Ils ont dû la... ils ont dû l'attacher à une chaise. Oh, c'est ça. Le mec est baïonné, tu sais. Les gars, c'est quoi votre question ce soir, la question de l'internat? Et quoi? Pourquoi le matin quand on se réveille on bande? Pourquoi on bande le matin de qu'on réveille? Et je vais même t'annoncer une bonne nouvelle. Tu bandes au moins 5 à 6 fois par nuit dans ton sommeil, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est normal. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout, Doc. Attends, ils veulent plus, normal. Là. Ouais, ouais, ouais, mais c'est... Mais c'est pas forcément lié au désir sexuel, c'est ça. Mais tu peux sortir d'un rêve érotique auquel cas, effectivement, tu as une érection. C'est normal de bander le matin. Si on bande pas le matin, on se pose des questions? On peut. Ouais, je sais pas. Ah, mais, Sam, je te dis, tu peux. Sam, tu te prends pour le doc, toi, maintenant? C'est lui qui répond, je sais pas. Sam, dédicace pour tous les potes, on vous écoute, c'est parti. Alors, dédicace à qui, les gars? Voilà, on a bien sûr. Compris, bah, évidemment. Bien sûr, et Michel qu'on embrasse, bien sûr. Et Michel. Et Michel. Ah, oui. Salut, les gars, salut l'internat Saint-Félix. Moi, j'adore les conversations avec les internats. Les gars, mais quelle ambiance c'est là-bas, super. C'est super. Eh, souvent, on nous appelle. Ouais, putain, j'ai été puni par mes parents. Je dois aller à l'internat. Bah, regardez l'internat. Putain, hein. L'internat, c'est l'éclate a priori, hein, sans déconner. Je voulais remercier notre auditeur du soir aussi. Bah voilà, qui était avec mission, nous, en tout cas. Qui va partir en mission. C'est un militaire. C'est et bah voilà, beaucoup de respect nous pour les militaires. Hein, et c'est il part voilà, en mission c'est... très loin apparemment. Ouais, il va partir. En... On peut pas le dire. Non, il faut pas dire. On dira pas. Kevin. On ne dira pas que tu iras sur le continent africain. Non, ça, on ne le dira pas, Kevin. Mais en tout cas, tu vas partir là pendant 4 mois. Et voilà. C'est ça. Si tu as un petit message à dire, justement, peut-être même une pensée pour ta chérie que tu vas laisser pendant quelques mois, l'antenne est rien qu'à toi, là. Ah oui, bah, gros bisous à ma chérie, ça c'est clair. Je sais que ça va être long, c'est comme ça, on l'a décidé, hein. On le sait, puis on fait avec. Et puis, bisous à ma famille aussi. Parce qu'il faut penser, et puis aux potes, il y a toujours des potes. Des proches qui sont là pour nous soutenir. Et il y en a plein qui s'inquiètent, mais il ne faut pas. Mais bah c'est ton émission, Kevin. Bon courage, en tout cas. Ouais, bon courage à toi. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Tu nous rappelles dans 4 mois. Ouais. Si j'arrive à gérer pour vous appeler en cours de mission, ou si vous pouvez m'appeler. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, tu nous écris sur Facebook. Ouais. Voilà, j'écris, il n'y a pas de souci, je vous écris sur Facebook. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ouais, dans 4 mois, ça c'est sûr. Eh ben, dans 4 mois, Kevin. Salut. Bon courage. Bisous. Salut à toi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette semaine qu'on a passée avec vous. On va se retrouver dimanche soir, dès 20h sur Fun Radio, tous les soirs du dimanche au jeudi. On est là. On va retrouver les filles maintenant. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Anso. Ça va? Hola, ¿qué tal? Muy bien y tú. Oh, muy bien. Ah, il sait dire que ça. Voilà, c'est tout. Non, mais hier, on a fait la transition en anglais. Donc là, ce soir, c'est de l'espagnol, mais. Non, dimanche en chinois, il le fait. En arabe. En arabe. Ouais. T'es carrière américa. Mais c'est pas de l'arabe, ça. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. C'est comme ça que je regarde les filles. Tu devais pas beaucoup pécho. Ah bah, détrompe-toi, ma chérie. Détrompe-toi. T'es carrière américa, ça a toujours fonctionné. Voilà, je vous donne des petits conseils comme ça. Mais ça veut rien dire, ça. Non, ami me gusta el chocolaté en espagnol, voilà, c'est tout. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est vrai que je suis irrésistiblement attirée par toi d'un coup. T'es carrière américa. Même lui, il n'arrive plus à dire sa propre phrase inventée. Allez, putain, je vais me coucher. Salut. Salut, ciao. Ciao. Si tu veux rire ce soir, je te propose d'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Les paroles de cette chanson ne sont pas délire. Mais ce soir, je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux, c'est Marion et Anso sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Anso, dès 22h dans le night show. Marion et Anso, je trouve plus de rime en haut. Tous les soirs, 22h minuit. Et Anso. The Night Show. On est là les beurs, bienvenue, bonsoir à tous. Il est 22h02, c'est le Night Show, c'est Marion et Anso. Et on est sur Fun Radio, est-ce que ça va l'équipe? Ok, ils sont chauds, dernier soir de la semaine pour nous. Et j'aimerais ouvrir cette émission avec la gaffe du jour, avec celle qui m'accompagne chaque soir, Anne-Sophie, qui nous a fait un truc aujourd'hui les gars. Bah j'ai pas de mots, il faut que tu leur racontes Anso. Hein. Non mais en fait je vous explique, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, quand on organise des surprises, à foirer les surprises. Et donc en fait je vous explique, dans l'équipe c'est l'anniversaire aujourd'hui de Alex, notre graphiste. Et donc on avait décidé d'aller lui faire un cadeau et je suis allée avec Thibaut à l'Aréa cet après-midi chez Lacoste lui acheter un polo. Voilà. Et donc en fait j'envoie, parce qu'on a une conversation en commun avec toute l'équipe du Night Show, j'envoie un texto en disant j'ai acheté un polo Lacoste, c'est tant d'euros, participe qui veut, me donne qui veut. Oh là là. Sauf que Alex était dans la conversation, donc le gars a vu depuis 14h le cadeau qu'on allait lui offrir. Le pire c'est pas ça, c'est que du coup Anso nous envoie un texto en mode essayez de rattraper le truc, noyez les textos, on verra. Donc là tout le monde s'est mis à faire n'importe quoi. Genre... ce soir c'est un Pokélost, ça va bien vous? Ouais. J'ai vu des textos passer mais par dizaines, sauf qu'évidemment ça a fait tout l'inverse. Hein. Donc voilà, on l'embrasse Alex, bon anniversaire à toi. Cela dit, Alex, il est hyper mignon parce qu'il a fait genre, il avait rien vu toute la journée. Oui, et il nous a avoué ça tout à l'heure quand on lui a offert le cadeau. Et d'ailleurs, le cadeau ne lui va pas puisqu'il est trop petit. Voilà, ah, on a tout réussi les gars. Bon bah je crois que c'est une affaire qui roule de bout en bout. Bon, ce soir en tout cas, on va parler d'un truc génial mais qui peut être un peu dangereux, c'est les rêves lucides. J'adore. C'est quand vous rêvez comme ça et que vous avez l'impression que ça se passe réellement, vous pouvez vraiment vivre vos rêves comme si c'était dans la réalité. C'est Alex qui a tenté l'expérience et qui veut en parler avec nous. On va bitcher ensemble aussi ce soir, ça peut être, je sais pas, sur un programme télé, ça peut être sur un truc que les gens font parfois, qui vous agace comme ça. C'est jamais méchant, mais on bitch comme ça, on expie un peu tous ensemble. Moi j'en ai gros sur la patate ce soir. Oh bah écoute, on t'écoutera avec plaisir Babar. Merci. 01 42 48 5000 et puis on va offrir vos bons d'achat de 300 euros sur Deliveroo. On avait lancé un grand concours dimanche dernier sur Twitter et Facebook et on aura deux gagnants ce soir. Et dans quelques minutes, le gagnant des MTV EMA. J'ai l'impression que ça sent la soirée cadeau. Oh énorme. Là. Pour le son, on va s'écouter le son smooth du moment, c'est Tove Lo, j'adore. Cool girl. C'est pour toi ça Babber, parce que t'es une cool girl. Ah, je crois que j'étais une cool girl. Mais non. Je me suis dit, bah, disons, On aura aussi Sac Noël tout à l'heure. Ouais, ça va être la période. Voilà. Sac Noël, quoi. Ah oui, vanne de merde, on sait. C'est surtout vous, auditeurs de Fun Radio, dites-vous qu'on va vous saouler avec cette vanne. Non, mais le gars s'appelle Sac Noël. Si tu veux faire, tout le monde y pense. Ouais, mais s'il est américain, pour lui, ça veut rien dire. Oui. Sinon, il s'appellerait Sac Christmas. Ah. Et sac, c'est pas ça en anglais, hein. C'est bague. Hein. Ouais, c'est bague Christmas. Bien joué, Anso. J'adore. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir la France, les Antilles, la Guadeloupe, Amir, la Réunion, tout le monde. Il est tout en virilité ce soir parce qu'il a sa petite liquette, il a froid, il a son petit foulard autour du cou, il est trop mignon. Et alors? Non mais attends, il n'y a pas de problème. Attends, hein. Regarde, est-ce que quelqu'un se moque? Est-ce que quelqu'un rit? Je me sens quand même vachement agressé depuis que je suis rentré dans ce studio il y a 2 minutes. C'est très mignon. Ok, c'est pas très viril. Non. Mais c'est pas parce que... C'est bon, ouais. Non, ah, ça va, j'ai mis une écharpe que j'ai ouverte et je l'ai posée sur moi parce que j'ai froid. Alors oui, ça fait un peu... Ça fait mamie qui a son petit châle, quoi. Ouais. Oui, je te le dis. Mamie des réseaux sociaux, alors on parle de quoi ce soir? On parle de plein de choses, mais les filles, il faut que je vous parle d'une application. Est-ce que vous, franchement, entre nous, vous n'en avez pas un petit peu marre de prendre des photos hyper belles avec... une lumière parfaite, etc. tout le temps? Bah non. Bon, en tout cas, j'ai l'application pour vous, du coup, ça s'appelle Sprayscape. C'est Google qui vient de la sortir. Qu'est-ce que c'est? Et en gros, c'est une application qui vous fait des photos complètement psychédéliques. Ah, j'aime bien. Chanmé. Ouais, c'est hyper cool. Personne n'utilise encore l'application pour l'instant, vu qu'elle vient de sortir. Mais elle est dispo ou pas encore? Elle est dispo, ouais, bien sûr. Ah, vous allez sur l'App Store ou sur Google Store et puis vous marquez Sprayscape. Et du coup, en gros, vous choisissez ce que vous avez envie de prendre en photo et ça vous sort après un espèce de montage en VR, virtuality, et ça vous fait une photo plutôt pas mal. Et bah allez-y, faites-le là et tweetez avec hashtag le Night Show, on va vous retweeter. Redis le nom encore une fois. Spray. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Ah, c'est Google, c'est gratuit. Et fais tourner ça sur les réseaux là, on va voir si on a de la photo. Bonsoir Thibault Larrea. Coucou les filles. Ça va toi? Ouais, ça va. Vous voulez savoir combien de fois je pense à vous en une journée? Oui. Et vous avez juste à lever les yeux au ciel et compter le nombre d'étoiles. Oh là là là là, mais je rêve. Oh, il est tellement mielleux celui-là. Oh là là. Mais c'est mignon quand même. Ok. Trop chou. Bonsoir Enzo du Standard. Salut l'équipe, salut tout le monde. Ça va toi? Ouais, franchement, ça va super. Et ce matin, j'ai eu cours de moto, j'ai hyper mal aux épaules. Ah. Et d'ailleurs, j'embrasse mon prof Hakim qui m'écoute actuellement. Ah, alors Hakim, si jamais tu as du dossier sur Enzo, on veut. Hein, s'il est nul, s'il se rétame, tout ça, on prend. Moi, Enzo, il m'a dit Hakim, voilà, c'est pas le meilleur des profs. Quoi ? Il m'a pas appris des techniques de ouf. Non. Arrête, non. C'est pas vrai. Non, il est archi chaud. Franchement, je vous conseille d'aller au CR de Bibif. Non. Alors, tu fais ta pub. Et si, par contre, il nous a dit, il y a, j'ai besoin d'une réduc, faites tout. Et ben, on fera rien du tout. Et on embrasse Hakim. La semaine prochaine, il va balancer un code promo, tu vas voir. Bon, Yannick du Standard, ça va toi aussi? Bah ouais, ça va super bien. Et il serait temps d'appeler le premier gagnant de la soirée, j'ai l'impression. Hein. Ouais, tout à fait, on avait lancé un grand concours dimanche dernier par SMS. Vous deviez envoyer vos coordonnées et MAS au 74 900 pour partir avec la personne de votre choix assister au MTV IMA 2016 à Rotterdam. Waouh. Ce sera le 6 novembre prochain. C'est la pression. Voir les plus grandes stars de la planète. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Jérôme. Ça va, Jérôme? Oui, ça va. C'est qui l'appareil? Ah, tu ne reconnais pas. Et là, si on prend cette voix, est-ce que tu nous reconnais? Oui, Jérôme. Ça va, Bichon? Bah ouais, super. On en est tombé sur un émotif, hein, les gars. Ah oui, il est sensible. je suis un peu étonné, effectivement. Tu prends les MTV EMA. Eh ben, exactement. Tu habites où, toi? J'habite à Wimereux, dans le Pas-de-Calais, à côté de Boulogne-sur-Mer. Ah d'accord, et ça te ferait kiffer de participer à cet événement de ouf ou pas? Ah bah ce serait énormissime, effectivement, ouais. Et alors tirer avec qui si jamais on te l'offre? Je pense avec un pote, avec mon meilleur pote, je pense, effectivement avec mon pote. Attends, il s'appelle comment Jérôme, ton pote? Il s'appelle David, pardon. Ah c'est pas possible parce qu'on accepte pas les David sur les MTV EMA par contre. Non, t'en as un autre? Non. Bon, et le gars a un seul pote, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, c'est gagné, c'est gagné. Et Jérôme, sans déconner, t'as intérêt de nous faire vivre le truc, nous envoyer de la photo, nous envoyer du mail, ainsi que bien sûr de la carte postale. Ah ouais, grave. Carrément, je vais vous envoyer des photos, des snaps, des tweets, tout ce qu'il faut, effectivement. Ouais. Tu pars là-bas, tout frais payé, au départ de Paris, à Rotterdam, avec ton poteau David, le dimanche 6 novembre, au MTV IMA. Eh ben merci beaucoup Fun Radio, merci Mario Enzo. Merci à toi et embrasse Bruno Mars pour moi s'il te plaît. Ok, si je peux effectivement, je fais une petite bise. On t'embrasse Jérôme. Merci beaucoup, bonne soirée Marion. Bisous à toi. Ciao. Ciao. Pas de problème Jérôme. J'imagine tout à fait Jérôme aller voir Bruno Mars en disant « Eh dis donc, t'as le bonjour de Marion !» J'aimerais bien qu'il le fasse. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, gros dossier dans le night show, puisque Thomas nous a missionné parce qu'il veut retrouver absolument quelqu'un, il veut retrouver son premier amour. C'est beau. On va tenter de l'aider, j'adore ce genre d'histoire quand même. Moi aussi. Restez là, 01 42 48 5000 pour nous appeler, c'est totalement gratuit. On se retrouve après Gillo sur Fun. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. Shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Just remember that. Hey. I ain't gonna be cooking all day. woman, no. We used to be crazy in love. Can we go back to how we was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. C'est Marion et Anne-Sole Night Show pour la dernière soirée avant le week-end. Vous allez nous manquer encore. Franchement, elle est passée trop vite cette semaine. Mais tout passe trop vite avec vous. Truc de ouf, on est sur YouTube là si on vous manque. On est aussi sur les réseaux sociaux. C'est nous qui les tenons. Donc allez-y, vous pouvez nous envoyer des petits MP, des tweets. On lit tout. On essaie de répondre à tout le monde. Et si Marion vous manque trop, bien sûr, je vous communiquerai son adresse avant la fin de cette émission. Voilà, et mon numéro. Hein. Bien sûr, pas de problème. Bon, alors là, il y a une grosse mission. Il va falloir qu'on aide Thomas, les gars. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Thomas est avec nous et Thomas appelle de Nantes. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Bonsoir Thomas. Bonsoir les filles. Ça va Thomas? Ça va, ça va. Alors toi, tu nous as touchés parce que t'as une demande particulière ce soir à faire sur l'antenne. Ouais, en fait, je suis à la recherche de mon premier amour. C'est très mignon, mais t'as quel âge? Moi j'ai 30 ans. D'accord, et donc c'est un amour qui date de combien d'années? Du CM2 jusqu'à la 5e, donc on est restés donc 3 ans ensemble. Oh, ouais. Donc j'avais 10 ans, donc il y a 20 ans. Burr. Ah ouais, mais elle a dû tellement changer. T'as pas peur d'être déçue? Je veux dire, on va évidemment tout faire pour t'aider, on va la décrire, son nom, tout ça. Mais imagine, ça marche, tu la retrouves et tu te rends compte qu'elle a évolué différemment, qu'elle est mariée, qu'elle est moins jolie que dans tes souvenirs. T'as pas peur d'être déçue? On verra, peut-être, je sais pas, je me pose même pas la question. Et alors du coup, j'aimerais la revoir, vraiment, c'est quelque chose que... Mais en même temps, Thomas, t'imagines bien qu'avec maintenant les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, quand même beaucoup plus facile de trouver quelqu'un, non? Oui, mais j'ai pas trouvé. Et t'as pas essayé avant, aujourd'hui, de la chercher, ou si ça fait des années que tu essayes? Ça fait 4 ans que j'essaye de la chercher. Hein. Ah oui. D'accord. Et alors, donc j'imagine que t'as toujours été sur Nantes, à l'époque, elle était sur Nantes aussi? Non, pas du tout. Non. Ah. On habitait dans le sud de la France, vers Marseille. Ah oui. Et si tu veux, mes parents étaient professeurs des écoles et ben ils ont été mutés à Nantes. Ah oui, donc effectivement, ça fait un petit bout. Donc, et oui. Potentiellement, la femme qu'on recherche habiterait Marseille. Potentiellement, si elle n'a pas déménagé. D'accord. Est-ce que tu veux donner son nom peut-être sur l'antenne? Oui, elle s'appelait Stéphanie. D'accord, mais tu sais qu'il y a beaucoup de Stéphanie en France du coup. Oui. Après, on va pas te forcer à donner son nom de famille, c'est toi qui vois. Hein. Tu veux donner des détails? Enfin, vas-y. Bah, disons que si jamais elle écoute l'émission où je donne son nom de famille, je pense pas qu'elle apprécie non plus. Alors, il faut que tu sois assez précis pour la décrire. Alors, elle était brune, donc à l'époque, hein, donc, quand on était ensemble, elle était brune, elle avait les cheveux juste en dessous des épaules. Elle avait un petit grain de vraiment tout petit dans le cou, un petit grain de beauté dans le cou. Donc voilà, elle avait les yeux marrons, elle avait une très belle bouche, un nez fin. Ouais, donc, elle avait des frères et sœurs, je sais pas, il faut des détails sur sa vie. Je sais qu'elle avait un grand frère. Ok. Je sais qu'elle avait un grand frère qui s'appelait Mathieu. Voilà, et c'est vrai que ben, nous, on passait beaucoup de temps ensemble, donc... Et Thomas, il n'y avait pas un petit truc, un petit délire que vous aviez tous les deux, par exemple je sais pas moi, enfin à 10 ans, qu'est-ce que t'as comme délire avec quelqu'un, mais On adorait jouer aux billes. Ah, ouais, bon. Enfin, comme tous les gamins de l'époque, quoi, un enfant. Mais si tu veux, nous, on avait fait une collection de billes. Alors c'est vrai que c'est peut-être à travers ça que j'arriverai à la retrouver un jour. On avait fait une grosse collection de billes et on avait trouvé 3 billes, mais vraiment rares, qu'on ne trouve même plus... On ne trouve même pas, quoi. Et c'est vrai qu'on avait vachement accroché avec ça, quoi, avec les billes. D'accord, donc... C'est vrai qu'à la récré, on jouait tout le temps ensemble, et puis, ben, voilà, on est tombé amoureux l'un de l'autre, l'amourette de l'école. Hein. Est-ce que tu peux donner quand même, parce qu'imagine, par chance, elle écoute, ou un de ses proches écoute, au moins la première lettre de son nom de famille. Un B. Un B. Stéphanie B comme, banane. Ouais. Ouais. Banane, non. Non, mais je veux dire, c'est la lettre B, c'est ça, voilà. Hein. Voilà, c'est la lettre B. Ok. J'imagine qu'elle s'appelle pas Stéphanie Banane. Bon, bah écoutez, si vous connaissez une brune, Stéphanie, dans les environs de Marseille, qui adore les billes, c'est très vaste quand même. Et qui a un nom de famille, alors peut-être qu'elle est mariée aussi aujourd'hui, hein. Peut-être qu'elle a pas le même nom. Hein. C'est clair. Et voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'en essayant même de chercher sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je pense que j'ai pas trouvé, peut-être qu'elle a pris le nom de son mari, c'est ce que je me suis douté. Ouais. C'est un peu le risque d'aujourd'hui. Juste Thomas, deux secondes. Thibaut, tu veux pas me changer l'amour et dans le derrière. J'ai l'impression de puer le foin. Mais c'est James Blunt. Merci. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander aux auditeurs, peut-être qu'il y en a qui ont des conseils, qui ont déjà su retrouver comme ça quelqu'un. Il y a peut-être des organismes, moi je sais pas, il y a peut-être des démarches à faire. 01 42 48 5000. Ou même si vous recherchez quelqu'un, que vous êtes prêt à donner prénom, nom de famille, tout ça, appelez-nous, c'est le même numéro, c'est gratuit. 01 42 48 5000. Gratos. Moi, dans un instant, je vais vous parler des plus belles histoires de retrouvailles, les plus ouf. Ah. Franchement, j'en ai trouvé, elles sont pas mal, mais avant ça, j'aimerais vous poser une question, l'équipe. Ouais. S'il y avait une personne que vous pouviez comme ça retrouver, ce serait qui, Anso? Bah, moi, j'ai pas. Moi, en fait, j'ai retrouvé une personne que j'avais très envie de retrouver le week-end dernier. Ah, bah oui. Et donc, du coup, voilà, j'étais hyper contente de le retrouver. C'était un mec avec qui j'étais il y a 10 ans. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 8 ans. Et on s'est retrouvés parce qu'il m'a contacté sur la page Facebook de l'émission. Et on s'est retrouvés le week-end dernier. C'est bon. Et du coup, c'était hyper cool parce que c'était pan comme au premier jour, quoi. Tu vois. Ah, c'est mignon. Ouais. Anso? Ouais. Bon, ça veut dire que vous avez fait l'amour. Il est mignon. Bah, disons que forcément, tu retrouves un ex que t'as aimé, c'est un peu fusionnel, quoi. Ouais. Effectivement, c'était intéressant. Mais c'était comment? Il était. Ah, petite question. Mm. Est-ce qu'entre la première fois et du coup la semaine dernière, ça a grandi niveau. Asexuellement. Ouais. Ah bah ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on a pris 10 ans chacun, donc bah oui, c'est rien à voir. Enfin, ça n'a pas grandi en taille, hein. Ça reste la même chose, Amir. Ouais, je parle de son sexe, moi. Ah non, ça reste pareil. Bah non. Bah écoute, à 22 ans, c'est la taille définitive en général. Il est mignon. Oui. Tu sais, c'est pas comme le nez, hein. Ça s'arrête de grandir. Tu sais que moi, j'aimerais beaucoup, si j'avais le choix, en retrouver le mec avec qui j'ai fait ma première fois aussi. Ah, au Club Mickey? Ouais, Constant, ouais. Il s'appelait. Et bon, bah à l'époque, il était, je sais plus, vers la Baule, tout ça, je sais plus où il habitait exactement. Pourtant, je l'ai beaucoup apprécié et j'aimerais bien juste voir à quoi il ressemble. Bah, Constant. Toi, de toute façon, il doit pas y avoir 10 000 Constants en France qui ont fait l'amour dans un Club Mickey aux alentours de 44. Voilà, avec une Marion. Avec une Marion. Donc, appelle-nous 01 42 48 5000, ce serait énorme. Et du coup, s'il est bien, il se passe quoi? Vous allez au Club Mini, vous continuez? Non! Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que j'ai envie de voir comment il a évolué, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était un dieu, je le trouvais trop beau et tout. Et puis, bah, je me dis maintenant, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie, quoi. Ça m'intéresse. Amir, toi. T'aimerais retrouver qui si tu pouvais, là, comme ça? Moi, je parle de. Bah, en fait, moi, je la connais, en fait. On se parle toujours de mon premier amour. Et le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, elle est pas aussi ouf qu'à l'époque, quoi. Elle est moins jolie. D'accord. Mais vous parlez, c'est-à-dire, vous vous dites quoi? Enfin. Bah, on se parle comme ça, mais. En vrai, c'est juste pour savoir si ces mecs ils sont mieux que moi aujourd'hui ou pas. Arrête. Oh, mais alors, moi, ça, j'en ai rien à foutre, quoi. Mes ex, ils peuvent sortir avec des bombes atomiques. Non, plus, ouais, je suis content parce qu'elle est avec un mec là et j'ai vu ses photos sur Facebook. Mais t'imagines, elle écoute pas l'émission? Oh, peut-être qu'elle écoute, bisous. Ah, bah, c'est vrai, tu viens de dire, elle est moins jolie qu'avant et tout, la pauvre. Elle est moins jolie, mais elle devient de plus en plus belle par contre. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on a Martin de Poitiers qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Martin. Salut Marion, salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Bah, ça va. Moi, franchement, ça va plus que bien même aujourd'hui. Ah, toi, t'as retrouvé quelqu'un? Bah, depuis aujourd'hui, en fait, si tu veux, hier, ça faisait un mois. En fait, j'ai perdu mon chat. Oh, bébé, trop mignon. D'accord. Et vraiment, tu vois, en fait, si tu veux, mon chat, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est toute ma vie. Enfin, je l'adore, ce chat, tu vois. Et en fait, j'ai collé des affiches de partout dans la ville. Et j'ai la SPA qui m'a contacté aujourd'hui pour m'envoyer des photos et en fait ils l'ont retrouvé. Ah bah franchement c'est énorme. Ouais, c'est trop frais franchement Martin. Il s'appelle comment ton chat? Comment il s'appelle ton chat? Bilou. Bilou. Ouais, Bilou. C'est mignon. Oui. Eh bah écoute, il va bien, il n'y a pas de soucis, il lui a rien arrivé. Oui, tout va bien. Et il vous a reconnu? Il était content? Au début, non, et puis maintenant, ouais. Bah écoute, je sais pas, moi. Non, mais j'imagine le chat arriver en disant oui, bonjour Martin, alors j'étais garé, mais je t'ai retrouvé. Je sais pas, elle aurait pu faire la fête ou être vénère. Non, mais cela dit, c'est un... t'as bien fait de nous avoir appelé. Martin, Thomas, tu devrais toi aussi coller des affiches dans Marseille de Stéphanie B. Ouais. Peut-être que ça peut marcher. Avec tous les arrondissements, oui, pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas. Oui, je crois que j'ai peut-être encore une photo. Oui, mais de toute façon, j'ai encore la photo de PSDL, oui, donc oui. Enfin, c'est une vanne, hein. Non, ça, ça peut être angoissant, par contre, hein, Thomas. Hein. Non. Peut-être le fais pas. Non, mais tu sais, je sais que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des sites, justement, où ils cherchent. Oui. Alors, j'ai hésité un peu, mais c'est vrai que, du coup, l'idée pourrait être... J'ai hésité à le faire, j'ai dit non, bon après quand même pas, puis bien finalement, ouais, pourquoi pas. Et ben continuez. Non, je pense pas parce que c'est un peu psycho, mais... Si vous avez de vrais conseils là pour Thomas, 01 42 48 5000, est-ce que vous voulez connaître les histoires de retrouvailles les plus ouf? Ah oui. Ah ouais. Alors celle-là, vous l'avez peut-être vu passer, moi je l'avais vu sur Facebook, c'est une nana qui a retrouvé sa sœur jumelle via Facebook justement. Ouais, il me semble que d'ailleurs M6 ou je sais plus quoi, on avait fait un reportage. Ouais, en fait c'est ouf, donc c'était une étudiante, elle a contacté par Facebook son sosie. Du coup, les deux jeunes femmes se sont découvertes, alors en fait, elles habitaient en Corée du Sud et en fait elles avaient été adoptées chacune de leur côté sans le savoir. Oh. Elles ont découvert qu'elles étaient nées le même jour, tout ça, et elles ont fait le lien et ce sont des sœurs. C'est beau, hein. Ouais, j'avais vu les retrouvailles, c'était hyper émouvant. Il retrouve sa fille perdue depuis 32 ans, ça aussi c'est ouf, et par Facebook encore une fois. En gros, c'est un papa, il avait pas vu sa fille depuis la naissance puisque la mère était partie avec. Après avoir accepté une demande d'amis sur Facebook, la fille est tranquillement revenue vers son père. Il y a un truc qu'on peut pas enlever aux réseaux sociaux, c'est ça. Ah ouais, c'est hyper pratique. Ça franchement c'est énorme. Il retrouve sa victime et fait son mea culpa. J'aime beaucoup. Écoute, c'est un mec de 53 ans, il avait agressé il y a 35 ans un homme à New York pour lui tirer sa carte de bus. Bon, ça va, comme agression, il y a pire. Wow. Et 35 ans plus tard, en fait, il a lu sur Facebook un post. Et du coup, l'agresseur, il a repéré le nom familier de la carte bus. Ouais. Et du coup, il s'est excusé. Il a dit, bah voilà, c'est moi, je voudrais vous rendre votre carte et tout. Ah, c'est énorme. Ouais. Et du coup, bah, le mec, il a accepté les excuses. Il a dit, mettons cette histoire à sa place, derrière nous. Ah, j'adore, c'est hyper mignon. Trop mignon. On a aussi un mec qui a retrouvé ses grands-parents. Alors là, c'est un peu triste, en fait. C'est un couple de 80 ans, atteint d'Alzheimer. Les deux sont atteints. Du coup, ils ont pris leur voiture pour aller déjeuner chez un ami. Et à partir de ce moment-là, plus personne les a vus. Bah oui, ils ont dû oublier qu'ils allaient à un déjeuner, en fait. Exactement. Du coup, le petit-fils a ouvert une page Facebook encore une fois et ils l'ont retrouvé deux jours après, sain et sauf. En tout, ils ont quand même parcouru 1500 km, hein, les premiers. Ils ont été où? Énorme. Mais en fait, ils savaient pas. Ils allaient à un déjeuner, mais ils ont oublié, du coup, vu qu'ils avaient Alzheimer. Du coup, ils ont roulé. Ils ont roulé. Ils devaient s'engueuler. Mais c'est où, chérie? C'est où? C'est énorme. Non, mais franchement. Alors, celui-là, c'est ma préférée, mais elle finit mal. C'est un Néo-Zélandais qui a rencontré une Américaine lors d'un nouvel an à Hong Kong. Déjà, gros melting pot. Et au moment de se quitter, la meuf, elle lui a juste donné son nom, son prénom, et elle lui a dit « Retrouve-moi comme tu peux ». Tu vois, petit challenge. Le mec a fait un an de recherche. Au final, il la retrouve. Il lui envoie un message. Et là, la meuf répond « Tu as gagné, mais ça n'ira pas plus loin. » Ah ouais, oh ouais, non. Ouais. Oh, un an de recherche, les gars. Oui, mais après, parfois, c'est vrai que tu peux dire des choses comme ça. Enfin, moi, je l'ai jamais dit, par exemple. Retrouve-moi. Bah, moi, je trouve ça assez drôle. Moi aussi, je trouve ça frais. Mais elle a dû le dire en soirée comme ça, mais en se disant, le gars, il va pas passer un an de sa vie à me chercher, quoi. Et bah, il l'a fait. Bon, c'est un truc de fou. On a Jonathan avec nous au téléphone. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Ça va? Oui, tranquille. Alors, dis-nous, tu voulais passer un avis de recherche, toi, ou tu voulais nous raconter une histoire de retrouvailles? Non, une histoire de retrouvailles. Ah, on t'écoute. Eh ben en fait, le fait, c'est que je suis resté avec une personne pendant plusieurs années, étant plus jeune. Et dans le contexte des choses, c'est que c'est une personne avec qui j'avais beaucoup de rapprochements. Et un jour, ben j'ai voulu avoir des nouvelles. Et puis en fait, je me suis rapproché de ses sœurs avec qui j'avais beaucoup d'infinité. Mmh. Et puis du coup, au final, ben j'ai commencé à avoir des nouvelles. Et puis... Ben, dans tout ça, bah, du coup, on a réussi à échanger, et puis j'ai appris qu'elle avait une fille. Ouais. Mmh. Mais, dans le contexte des choses, du coup, ça fait plaisir, mais je cherche toujours à pouvoir la revoir et pouvoir rester dans une partie amitié, on va dire. Attends, j'ai pas suivi. Du coup, tu l'as retrouvée? Ouais. Mais il se passe rien entre vous? Non. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est triste? Bah, faut rester sur le contexte des choses. Oh. Oui. D'accord, ouais. Maman gueule mais, pas. Non mais Jonathan, Jonathan, nous on dit ça pour toi parce que t'as l'air encore à fond. Donc nous on s'attendait à une happy end. Puis en fait il s'avère que la route est longue encore. Non, aujourd'hui je suis marié avec une femme avec qui je suis très bien. Mais comme on dit, on n'oublie jamais son premier amour. Il a raison, c'est vrai. Et écoute, si t'es heureux aujourd'hui, tant mieux. Mais du coup Jonathan, tu serais prêt si elle faisait un pas vers toi pour être en mode on se remet un peu en... Ah, je serais plus dans le mode, on va dire, de rattacher des liens de bonne amitié. D'accord, ok. Ok, bah écoute, c'est un homme équilibré, il a sa vie, il a sa femme, il veut juste retrouver l'amitié. Jonathan, de toute façon, c'est la maturité. Voilà. Allez, je vous écoute tous les soirs et c'est un vrai plaisir. Mais c'est toi, t'es un plaisir. On t'embrasse, Jonathan. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Les garçons dans l'équipe, on n'a pas fait tout le monde. Il y en a un qui a retrouvé déjà quelqu'un qu'il avait perdu de vue ou pas? Moi, j'ai déjà retrouvé, ouais. Qui? Bah moi, j'ai réussi à retrouver en fait la personne qui m'avait volé ma veste Nike en 5e. Ah bon? Et il s'est passé quoi quand tu l'as retrouvé? Bah je sais pas, il m'a revolé ma veste Adidas. Oh, fragile. Non, mais est-ce que c'est une vraie histoire? Alors, la veste Adidas, non, mais non. C'est une vraie histoire sinon. D'accord, et du coup, t'as réglé tes comptes? Comment Ouais, en fait, après, du coup, on s'était donné rendez-vous au collège, en face, et on s'était battu, j'ai récupéré ma veste. Faut pas se battre. Si, mais bon, à l'époque, j'étais un bagaga, un batigue. Voilà, c'est pas. D'accord, ça marche. Moi, j'avais retrouvé mon ancien meilleur pote de la maternelle. Ah, c'est mignon ça. Et on s'est revus à la journée d'appel, c'est ça? Ouais. Ah oui, à journée d'appel militaire, ouais, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'appelait Florian et je me souvenais de son nom de famille. On était super potes, il avait déménagé et puis j'étais trop triste. Et on s'est revus là-bas, on s'est dit bonjour. Et puis en fait, je m'en foutais après, du coup. Il avait changé. Ah, ouais, tout avait changé, et du coup, on s'est perdu. C'est triste, pourquoi tu nous racontes cette histoire qui nous fait chialer? Thibaut, t'as déjà retrouvé quelqu'un, toi? Non, mais par contre, moi, il y a un gars que j'aimerais bien retrouver. Qui? C'est Benjamin Félu, c'est celui qui avait piqué ma meuf genre quand j'étais en 6e. Oh bébé, ouais. Non mais je te jure, c'était un petit con et je suis sûr qu'il a pas changé. Je suis sûr que c'est toujours un petit con ce Benjamin Félu. Comment il s'appelle? Benjamin Félu. Ouais. D'accord. Et ben s'il nous écoute, tu es un petit con. Voilà. Mais ouais. Attends, mais tu donnes son nom de famille à l'antenne, toi? Ouais. Bah ouais. Comment ça s'écrit? Bah non, mais on va donner l'orthographe. Ouais, non. Mais non, mais en vrai, il a dû changer, il est sympa maintenant. Ah, oui, il a changé de nom de famille de lui. Bah oui, il s'est marié. Ouais, j'adore ça. J'aimerais. Ah, on a encore du monde au téléphone? Ouais, il y a Linda du Havre. Ok, on prend Linda. Ça va, Linda? Bonsoir, les filles. Coucou, bonsoir, Linda. L'équipe. C'est con parce qu'on n'a pas encore Stéphanie qui nous a appelé pour Thomas, quoi. Mais non, c'est ça. Linda, raconte-nous, tu nous appelles pourquoi? Bah déjà, pour lui donner de l'espoir qu'il faut jamais lâcher. Parce que moi, il m'est arrivé une histoire. C'est des retrouvailles à moitié. En fait, j'ai mon frère qui a 3 ans moins que moi. On a été séparés quasiment. J'avais quoi, 3 ans et demi, il avait 6 mois. Et du coup, on a été séparés. Ouais. Il y a eu un gros souci de famille. Enfin, voilà, je vais pas divulguer plus, mais du coup, on a été séparés dans des familles d'accueil. Et j'ai cherché, étant plus grande, bien sûr, sans rien. Et au bout d'un moment, j'ai engagé un enquêteur privé, je ne sais plus le terme. Ouais. Et je l'ai retrouvé. Oh là là, mais c'est beau. Plus de 2 ans quand même. Hein. Franchement, donc, c'est beau. Du coup, moi, je suis au Havre et lui, il est au Bordeaux. Mais quand on se reparle maintenant, eh ben, j'ai pas l'impression que c'est mon frère. Oui, c'est normal. Vous avez rien partagé. C'est bizarre. Bah oui, c'est normal. Il est inconnu encore pour toi. Mais ça se fait petit à petit. Il faut lui laisser du temps aussi. Puis ça te fait l'occasion de te balader en France aussi. Alors, cela dit, très bon conseil. Si jamais t'as les moyens, le détective privé, ça, Thomas, comprends, hein. Ouais, non, je sais que t'es cher, mais pourquoi pas, oui. Mais est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'ils sont vraiment tous doués et... Ah, bah la preuve. Ah, bah je pense que tu dois. Si tu te renseignes un peu sur Internet, tu dois avoir des agences qui ressortent plus que d'autres et qui doivent être plus connues que d'autres, tu vois. Oui, à voir, oui. Hein? Ok, mon Thomas. Et là, globalement, t'as pas mal de conseils. Lâche pas. Si jamais nous, on a un appel, tu te doutes bien, on va mener l'enquête. Et si ça semble sérieux, on te rappellera. D'accord? On va te tenir au courant. Alors, je rappelle qu'elle s'appelle Stéphanie. Elle est aux alentours de Marseille. Elle est brune. Elle avait à l'époque les cheveux mi-longs. Elle adorait jouer aux billes. Et son nom de famille commence par un B. Si vous reconnaissez, appelez-nous. Oui. Et elle avait un petit grain de beauté sur le cou. Okay. Ah oui, effectivement. Eh ben merci mon Thomas, je te promets. C'est un détail qui a son importance. Ah bah bien sûr, attends. Non, parce que j'en entends des rires derrière, donc... Non, t'inquiète pas. On ne se moque pas. C'est Yannick du Standard, je vais te le repasser, tiens. Bah, je vais l'engueuler alors. Thomas, on t'embrasse et si on a des nouvelles de Steph dans la soirée, évidemment, on te tient au courant. Merci les filles. Bisous Thomas, bisous. Ciao. Bon, bisous, merci. On n'a pas demandé à Pépère. Pépère, est-ce que t'aimerais bien retrouver quelqu'un, toi? Bah, Pépère, oui, il aimerait bien retrouver Serge. Alors, c'est qui, Serge? Bah, c'est la bite de Pépère, hein. Bah, Pépère, il la retrouve plus, il est coincé dans le gros cul de mes mères, je crois. Blague. Ça marche. Oh là là là là là là. Allez, reste avec nous un instant sur Fun Radio. C'est l'incroyable talent. Amir, est-ce que si tu perdais Pépère de vue, tu lancerais un avis de recherche? Non, franchement, non. Évidemment, non. Restez avec nous, l'incroyable talent, c'est juste après Sac Noël. On écoute Trumpets sur Fun Radio. Trumpets. C'est pas gentil, ça, quand même. Hein. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme-di-gimme-di. Head to the floor, gal, gimme-di-gimme-di. Bend over, girl, and gimme-di-gimme-di. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme-di-gimme-di. Top wine, girl, and gimme-di-gimme-di. trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it and a comedy, comedy. Man, them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Money look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Money body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Sur Fun Radio, et bien c'est Marion et Hamso, le night show du dimanche au jeudi jusqu'à minuit. Une petite blonde comme ça, hop, on prend son caddie à meuf et on choisit qui on veut. Ouais, c'est bien, c'est le caddie à meuf. Donc, et hein. Si vous voulez nous voir, parce que peut-être que vous nous avez jamais vu de votre vie, et ben vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Marion et Hamso. Il y a de tout ce qui se passe dans l'émission en fait. Du pourquoi tu m'appelles, il y a du talent, du Pokélost, et puis tout ce qui se passe en dehors aussi. Quand on a testé dimanche dernier ces fameux plats qui viennent du monde entier qui sont immondes, à savoir la verge de bœuf. Exactement, il y a toutes les vidéos avec Kin aussi, qui était notre invité mardi. Je me suis tapé l'affiche, oui, je sais. Oh là-bas. Fun. Fun Radio. Un incroyable talent. Vous avez envie de nous rencontrer en vrai, de venir dans les studios, de faire de la radio avec nous, et ben c'est possible. Pour ça, il faut avoir du talent et s'inscrire à Marion et Anne-Sor au funradio.fr. Vous faites une démonstration en live, vous arrivez à convaincre toute l'équipe et bim, vous venez dans les studios, tout frais payé. C'est pas mal. Ah bah oui. Alors ce soir, il s'appelle Achille et son nom de scène, c'est HMC. Ah. Bonsoir HMC. Bonsoir Marion, bonsoir Anto. Ça va ? Comment ça va ? Bah bien, et toi ? Ah, ouais, moi je pète la forme. Bon déjà, si t'as un nom de scène, je me doute que t'es dans un délire soit chanteur, soit rappeur, un truc comme ça. Ah, je suis dans un délire poète, non ? Ah, poète, c'est ouais, pas mal aussi. Pas mal. Ouais. D'accord, alors tu fais quoi exactement ? Raconte-nous. Bah en fait, moi, je suis le meilleur improvisateur de la Terre, mais vous n'êtes pas encore au courant parce que j'ai malheureusement encore rien fait. Donc, quand j'aurai fini de parler, vous allez me donner un mot et que ce mot, je ferai une magnifique chanson. Ok, voilà, Apollinaire. Ah ouais, donc en fait, tu peux partir en impro sur n'importe quel mot, c'est ça ? N'importe quel mot, à partir du moment où je le comprends. Donc, si c'est un mot compliqué, il suffit de me l'expliquer et puis après, bah. Oh, j'adore ! C'est la première fois qu'on a quelqu'un comme toi à l'antenne. Moi aussi, et en plus, je sens qu'à ta voix, tu vas nous surprendre. Ouais. Ah ben, je suis content d'avoir un premier dépistage comme ça avec deux jolies jeunes femmes à la radio. Bon, alors est-ce que je peux commencer ? Je te donne un mot. Évidemment, ouais. Ça n'a pas été préparé, hein, je vous promets qu'il n'a pas eu les mots à l'avance. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Courgette. Wow ! Dois-je penser que mon cerveau me permettra de dépasser la beauté d'une courgette mal placée ? Ce que je crois, c'est que si je faisais une tarte courgette, j'aurais certainement placé Marion et Anso à l'intérieur pour avoir la chance de pouvoir la déguster. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut que je continue à faire la fête, car je ne suis absolument pas une courgette avec la... C'est quand même très long, hein, par contre. Et quand je suis en train de dire tout et n'importe quoi, la fête de courgette a été... HMC, c'est quand même très long, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui. Il est parti comme ça d'un coup, je lui ai donné le mot et il a enchaîné. Pas mal, on va essayer avec Anso. Alors attends, qu'est-ce que je vais trouver comme mot? Attends, parce que du coup t'as choisi mon truc de prédilection, la bouffe. Donc tu vas rapper sur casque. porte ce casque et ne l'oublie pas, car ce que je crois, c'est que si tu n'es pas forcément un casseur, tu auras certainement besoin de ce casque sur ce scooter pour ne pas te casser la tête, ce que je crois. Certains ont le casque le matin, mais s'ils écoutent cette bonne radio, ils finissent par l'oublier. Le matin, je me réveille certainement avec le plus gros de tous les casques, mais j'ai toujours la DT qui me permet de rester bien branché. Branchant mon casque et mon Beats by Dre, je suis toujours bien connecté au dernier son du moment. Mais si j'ai besoin de ce chemin libre... HMC, il faut que tu raccourcisses hein, tout ça quand même. Et c'est bien, on va essayer avec Enzo. Enzo, t'as un dernier mot pour lui ou pas? Ouais, funambule. Mais arrête tes conneries. Funambule. Mais je suis un funambule qui gesticule sur la plus grande de toutes les cordes qui soit. Celle-ci est la corde de l'improvisation. Je ne me pendrai pas à cette corde, mais ce que je crois, c'est que le funambule est toujours le roi. Lorsqu'on lui propose de montrer son talent, il a toujours tellement de force qu'on finit par se demander si vraiment un jour il tombera. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est hip. Quelqu'un veut essayer dans l'équipe d'être à la plage de SMC Thibaut à l'arrière? Ah, t'as pas encore entendu? On va te donner un mot et tu vas essayer de faire comme HMC, d'accord? Oh merde. Alors, j'ai remarqué une petite technique qu'il a, c'est qu'il dit souvent je crois, ce qui lui permet peut-être de réfléchir un peu à la suite. Donc, okay. Le but, c'est de faire des rimes. Je crois que tu te trompes en fait. Mais c'est non. Pas grave. Ah, bon. Alors, c'est pas de faire des rimes, c'est d'improviser un texte, un mini rap dessus, ok? Ok, ouais, allez, go. Qui rime quand même, hein, parce que c'est ce qu'il fait HMC. Hein. Pas toujours. Non, mais bon. Tu vas improviser sur le mot pomme de terre. Les pommes de terre sont cuites quand la cuite est... Mais c'est vrai qu'attends, c'est hyper dur en vrai. C'est grave dur. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien essayer. Alors, attends, j'essaye. Anso, tu vas improviser sur le mot iPad. L'iPad est dans mes mains quand je suis en panne d'inspiration parce que... Mais c'est trop chaud. C'est hyper chaud. Ah ouais. Franchement, et HMC, je trouve que c'est effectivement un peu long, mais c'est là où c'est ta force parce que Crave. Tu le tiens quand même. Hein. Bravo. Ouais, franchement, c'est fort. Franchement, beaucoup. C'est cool. J'aimerais juste faire improviser Pépère sur un mot, on peut ou pas? Ouais. Pépère, tu improvises, ouais. Mais complètement sur le mot fesse. Ok, alors les fesses, c'est pas compliqué, c'est entre une fente et l'autre rentre. Moi, je rentre et je rentre et je touche les fesses. Et tu penses que j'ai de la chance à toucher tes fesses? Merci, Pépère. Bon, écoutez, voilà ce que moi, je vais vous répondre. Un iPad ne sera jamais une pomme de terre. Et si tu crois qu'un iPad est une pomme de terre, c'est que tu réfléchis avec tes fesses. Alors, j'ose espérer qu'un jour, tu pourras offrir un vrai qui fonctionnera. Ainsi, j'aurai l'impression d'avoir un iPhone beaucoup plus grand que la paire de fesses que tu auras. Ouais, franchement, c'est frère. Ah bah ouais. Franchement, moi, je suis impressionnée. Il est vrai. C'est vrai qu'il faut le faire pour se rendre compte que c'est pas facile. Faites ça avec vos potes chez vous ou avec vos parents. Vous allez voir, c'est hyper dur. Ouais, ouais. On va voir ce que ça donne, mon pote. Il te faut les 5 de l'équipe pour venir tout frais payer dans les studios. Est-ce que tu es prêt? Yeah, je suis toujours prêt, moi. C'est parti. Enzo. Et je dis oui. Thibaut. Oui. Amir. C'est un grand oui pour moi. Anso. C'est un grand oui. Marion. Avec plaisir, je dis oui. Bravo, HMC, yeah, c'est gagné. Ah ouais. Ah si, franchement, on va s'éclater avec toi en live, on va faire des défis, des trucs, ça va être hyper sympa. Yes. Moi, j'aimerais m'autoriser à venir avec un guitariste ou pas? Ah bah ouais, carrément. Bah, ramène, ouais, ramène bah, qui tu veux. Mais oui, viens. J'ai l'honneur de vous annoncer que Benjamin Parianti sera avec moi et c'est un guitariste qui est extraordinaire. Je fais partie d'un groupe de rock qui s'appelle le Bang Bang et du coup on va venir avec lui. Très joli nom de groupe hein, déjà, on aime beaucoup. Bravo à toi mon pote, on vous attend tous les deux là très bientôt dans les studios de Fun. Merci encore. Bisous HMC, à très vite. Bisous. Bisous à vous, merci encore, à bientôt. J'aime beaucoup le sujet qui arrive là dans un instant sur Fun Radio puisqu'on va parler avec Alex, 14 ans. Alex, il fait quelque chose de surprenant, il fait des rêves lucides. Vous connaissez? Ouais, c'est vraiment vraiment cool. En fait, quand Alex nous a envoyé un mail, je me suis un peu renseignée. Ouais. Et il y a vraiment des trucs hyper intéressants sur ce truc. En fait, vous prenez le contrôle de vos rêves et ça peut vous permettre de faire plein de choses. Du coup, ça nous a inspiré. On va parler des trucs qui se passent la nuit. Vous faites des paralysies du sommeil, vous faites des cauchemars, vous avez un sommeil tout pourri. Appelez-nous. On fait l'amour aussi la nuit, on en parle ou pas? Ah, on peut en parler. 01 42 48 5000, on parle de tout ça juste après. Robin Schulz sur Fun. Oh, I can see the doubt. In those eyes, even though you try to hide it, there's not much to figure out. 'Cause I know why, and I won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know know. I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. It used to be so warm, those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, self together. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Oh, try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know, I know. Sur Fun Radio, et sachez que nous sommes les seuls à jouer ce titre de ouf, je l'adore. Ce qui veut dire que quand vous l'entendez, paf, vous êtes forcément sur Fun Radio. Ça s'appelle Arizona, en plus c'est, j'aime bien, Arizona, ça me fait voyager. Ah bah moi aussi, moi je me vois dans le Wisconsin. Rien à voir quoi. On est avec Alex de Lyon au téléphone, alors on vous en parlait il y a quelques instants. Alex, il veut parler d'un truc qui est hyper intéressant, c'est les rêves lucides. Bonsoir oui. Alex. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Alors, Alex, raconte-nous qu'est-ce que c'est que cette histoire, parce que moi, avant d'avoir ton mail, je ne connaissais absolument pas les rêves lucides. Moi non plus. Bon, en fait, les rêves lucides, c'est un peu les rêves quand tu les reconnais et que du coup, tu peux faire un peu ce que tu veux dans les rêves. D'accord, mais attends. Alors, il y a comme des interférences. Est-ce que tu as beaucoup d'appareils électroniques autour de toi? Non, pas tellement. Peut-être que tu es en train de rêver, Alex. En fait, si je comprends bien, c'est quand tu prends un peu le contrôle de tes rêves. Oui. D'accord. Et alors, comment tu fais ça? Bah, en fait, c'est à force d'entraînement, tu les reconnais, et puis après, tu sais que t'es dans un rêve, et à partir de ce moment, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est un peu ça. En fait, du coup, quand on a reçu le mail d'Alex, je suis allée voir comment ce qui se passait, etc. Et j'ai trouvé justement les plusieurs étapes. Il y a 5 étapes pour pouvoir réussir à vivre un rêve lucide. Alors, est-ce que vous voulez que je vous les raconte? Oui. Eh bien, vous bougez pas. Ah. 01 42 48 5000. Si comme Alex, vous avez déjà vécu comme ça des rêves lucides, si vous avez vécu des trucs de dingue, parce qu'on peut faire des trucs de fou. Par exemple, tu peux faire l'amour avec une star, tu peux vaincre tes phobies, tu peux faire plein de choses. Et moi, je vous ai trouvé la signification des rêves, justement. Oh là là, dis donc, ça bosse dans le light show. Hein, oh bah oui. Alex, tu restes avec nous? Ouais. Allez, bouge pas, on revient tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 32 28. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. The radio of the Chainsmokers is Fun Radio. Fun Radio, the song dance floor. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, dog, go, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Radio. Oui, 22h51, c'est Marion et Anso, le Night Show, et là on est en train de parler de rêves, de cauchemars, de tout ce qui peut se passer la nuit avec ce phénomène que je ne connaissais pas, les rêves lucides. Ouais. Alors Anso, tu nous disais que tu avais trouvé un peu les étapes pour pratiquer. Alors déjà la première étape c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, se coucher à des heures régulières et pas s'endormir sous alcool ou sous drogue évidemment. Okay. Et puis ce qui est conseillé aussi c'est de tenir un journal des rêves, se souvenir au maximum de ses rêves pour bah en fait ça va donner de l'importance aux rêves et ça va nous permettre de nous souvenir et ça va faire travailler le cerveau. Okay. Donc même si vous vous réveillez la nuit, prenez le temps de les inscrire. Alors ça peut être sur un petit carnet ou alors en dictaphone sur vos smartphones, tu vois, ça mm-hmm. marche aussi. Pour mieux se souvenir des rêves aussi, vous faut bien rester immobile dans votre lit le matin. Vous mmh. attendez que ça retombe comme ça pour essayer de vous souvenir du premier rêve, du second rêve, etc. Et puis ensuite, vous allez détecter ce qui se passe uniquement dans vos rêves et pas dans la réalité. Par exemple, vous avez peut-être rêvé souvent d'une seule personne ou d'un lieu. Et ben là, il faut vous y intéresser pour l'identifier et déclencher votre lucidité dans le prochain rêve, en fait. C'est compliqué quand même l'histoire. C'est un peu compliqué. Alors, faire des rêves lucides, en fait, ça peut vous être utile pour vaincre une phobie ou pour, je sais pas, dire quelque chose. Par exemple, admettons, je t'en veux pour quelque chose, Marion. Ouais. J'arrive pas à t'en parler, bah, je vais me servir des rêves lucides pour me donner confiance, pour qu'après, dans la réalité, je puisse aller te voir. Tu vois ce que d'accord. je veux dire? Voilà, après, il faut bien vous préparer avant de dormir. Relisez ou réécoutez vos rêves. Visualisez-vous en train de devenir lucide. Et puis, quand vous êtes dans vos rêves, il faut essayer de vous toucher. Si vous arrivez à vous toucher et vous sentir, vous palper comme ça la peau, si vous arrivez tout en rêvant, ouais, c'est que vous êtes en train de faire un rêve lucide. Moi, ça me ferait flipper de ouf. Alors, Alex nous a appelé parce qu'il le faisait souvent. Il a 14 ans. C'est quand même énorme. Il est toujours là, mon bichon, ou pas? Oui, bien sûr. Il appelle de Lyon. Alors, Alex, est-ce que tu te souviens d'un rêve lucide que tu as fait que tu pourrais nous raconter? Il y a un des principaux rêves qui m'arrivait, c'était en fait, j'étais dans mon ancienne maison de campagne et je retrouvais tous mes anciens potes, tout ça, et on faisait tout le temps la fête. Mmh. Après, ça changeait parfois, mais le plus souvent, après, on allait faire une balade dans les bois, tout ça. Et c'était des trucs comme ça, et il y en avait plein des rêves comme ça. Il y en avait d'autres là où j'étais dans une grande salle, sur mon souvenir, parce que je chantais avant et... Du coup, j'étais devant plein de gens et je me retrouve ça aussi dans les rêves. Ouais, d'accord, tu as des souvenirs comme ça qui te reviennent. Moi, j'aimerais bien savoir, l'équipe, est-ce que vous avez des particularités la nuit? Est-ce que vous avez des cauchemars qui reviennent tout le temps, des rêves lucides? Est-ce que vous faites ce qu'on appelle des paralysies du sommeil? Racontez-moi, Anso. Non, moi j'ai souvent des rêves improbables. D'ailleurs, je vous les raconte souvent et je m'en souviens très souvent. Mais en réalité, le seul truc qui me saoule moi la nuit, c'est Wacha qui essaie de dormir sur mon visage. Ça va. Il y a que ça qui me saoule la nuit. Elle pose son ventre sur ton visage. Ouais, son ventre, absolument tout. Sa tête, elle dort sur mon visage. C'est mignon. C'est beurre. Ah, ça c'est beurre. Bon bah moi je vous l'ai déjà dit. Moi c'est les araignées. Je rêve tout le temps d'araignées. C'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi. C'est horrible. Je sais même pas ce que ça signifie parce qu'il y a plein de choses. Tu vas sur internet, ça signifie que quelqu'un t'en veut. Ça signifie que tu vas tomber enceinte. Enfin, il y a mille explications. Ouais, c'est pas évident à savoir. Et à chaque fois que je fais un cauchemar, ça va pas, je rêve d'araignée, c'est horrible. C'est pas le lait ta phobie? Si, alors justement, si jamais je me mets à rêver d'une araignée qui boit du lait, bah là les gars, malaise assuré, je sais pas bien. C'est terrible. Non, mais je sais pas pourquoi ça revient, j'aimerais bien avoir un spécialiste qui m'explique en fait, parce que ça fait des années quoi. Après, c'est compliqué parce que t'as des spécialistes qui vont dire une signification, d'autres, donc c'est un peu compliqué. Mais Alex, toi du coup, ça te fait peur maintenant, c'est ça? Ouais, très. Parce que maintenant, j'aime plus dormir, même j'en ai peur. Parce que j'ai regardé, il y a presque un mois maintenant, des épisodes de Saw. Et depuis, j'arrive pas à faire des cauchemars lucides. C'est horrible. Ça, c'est le pire film d'horreur du monde, Saw. Après, c'est pas pareil, tu vois. Tu peux avoir peur de dormir parce que justement, tu fais des cauchemars liés à un truc. Mais Alex, il faut que tu prépares ton sommeil aussi. Il faut que tu te mettes dans un endroit cool, que tu écoutes de la musique cool. Lis des BD, lis des trucs pour arrêter de faire des cauchemars. Ouais. Bah le problème c'est que j'ai presque tout essayé et ça, du coup ça fait hyper longtemps que j'essaie d'arrêter tout ça. Alors c'est peut-être les interférences de ton téléphone qui t'empêchent de dormir aussi. Je te le dis parce que là c'est violent. Non mais bichon, je suis comme toi, voilà, on est des insomniaques, on a du mal avec le sommeil, tout ça, ça passe, il y a des phases en fait. Là t'es dans une phase 100, ça va venir, un jour tu dormiras bien, je te le promets. Mais j'ai un petit jeu là, Alex, tu peux jouer avec nous, l'équipe, est-ce que vous êtes chaud? Oh oui, bah tu sais, nous tout le temps pour jouer avec toi, Marion. En fait, je vais vous proposer des thèmes de rêve, vous allez me dire si vous avez déjà rêvé de ça, et après je vous expliquerai la signification. Ok, go. Okay. Qui a déjà rêvé qu'il faisait une chute? Moi. Tout le monde? Ouais. Alors, si vous rêvez que vous tombez, ça veut dire que vous avez un problème dans votre vie professionnelle ou relationnelle. Ah merde. Voilà. Donc Enzo, j'imagine que tu rêves souvent que tu tombes. Jamais. Alors c'est marrant, mais là tout le monde se regarde en chien de faïence. Non. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous perdiez une dent? Ouais. Oui. Ah bon? Ouais. Alors c'est marrant, Anso, que tu dises oui, parce que pour les femmes, ça veut dire que tu vas tomber enceinte. Et pour les mecs? Et pour les hommes, ça veut dire que vous avez besoin d'être stimulé sexuellement. Ah. Donc c'est hyper bizarre. Ah, bon, c'est bien, ça m'inquiète pour les deux en fait. Et c'est bien la preuve que ça marche pas à tous les coups. Bah oui, parce qu'il y a pas de danger quoi. Oh. Bah ouais. Sauf si tu nous caches quelque chose, Anso. Bah non, alors là. Pouf. Se retrouver nu à l'école ou au travail? Oui. Ah oui. Ah ouais. Non, jamais. Mais attendez, vous avez déjà rêvé de tout en fait? Non, ouais, jamais. Évidemment. Moi jamais. Et ben ça veut dire que t'es anxieux et ou vulnérable. Mais comme vous avez jamais rêvé que vous alliez à l'école en chaussons? Ouais. Non, ouais. Mais hyper souvent, moi. En chaussettes, moi. En chaussons, en chaussettes ou pieds nus, enfin, c'est selon. D'accord. Mais moi, je m'étais déjà rêvé plein de fois. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez en train de mourir? Ouais. Oui, c'est horrible ça. Non. Ouais, c'était pas mal, hein. Non. Et ben, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis réveillée en pleurant et tout. En gros, ça veut dire que tu dois mettre fin à quelque chose de ta vie. Ah. Il y a un truc qui doit s'arrêter. Tiens. Il faut que tu le gères. J'ai plein de trucs à faire ce soir. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous rencontriez une célébrité? Ouais. Oui. Je suis même tombé amoureux d'elle. Eh ben alors là, ça veut dire, ça m'étonne pas de toi, puisque ça veut dire que vous avez besoin de reconnaissance. Ah. Alors ah. Amir a tellement besoin de reconnaissance. Bah c'est normal, vous êtes tellement méchant. Il a besoin qu'on lui dise bravo, merci. C'était qui la célébrité, Virginie Jara? Ah, non, mais c'était il y a longtemps et c'était Lizzie McGuire. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Hilary Duff, mais laisse tomber, j'étais amoureux de cette femme. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez chassé ou poursuivi? Ouais. Oui. Par des rats, par des gens, par des méchants, partout. Alors ça c'est tout simple, ça veut dire que vous êtes face à un problème. Globalement en fait, vous avez une vie de merde hein, si vous rêvez de tout ça. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Bah, c'est ce que je suis en train de me dire en fait, peut-être Amir va voir un psy. Est-ce que vous avez rêvé que vous trompiez votre partenaire? Ouais. Ah ouais, c'est et je m'en voulais à la fin. Et ben ça, c'est un manque de confiance dans votre relation. Ouais, vas-y, j'arrête. Mais comme ça vous est jamais arrivé, genre vous rêvez que vous couchez avec quelqu'un dans la nuit? Et le lendemain, quand tu croises la personne, c'est un truc de fou, t'as l'impression que ça s'est vraiment réalisé. Ouais, et même si tu la trouvais pas ouf, le lendemain, du coup, ouais. T'es attiré. Ouais, ah si, toi, ça t'était arrivé avec Adrien Thomas. Ouais. Ah ouais. Très bizarre. Mais j'étais déstabilisé, du coup, je me suis dit merde. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous vous réveillez en retard? Oui. Ouais. Ouais. Enzo, ça a pas dû lui arriver parce qu'en fait, ça veut dire que t'es débordé. D'accord. Donc là, on n'y est pas. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez en train de voler quelque chose? Ouais. Ah, pas voler dans le ciel? Bah je sais pas en fait, on m'a pas précisé. Non, ça doit être voler dans le ciel. Voler dans le ciel, c'est voler dans le ciel. Et bah là ça veut dire que tu perds le contrôle de quelque chose dans ta vie. Quelque chose t'échappe. Enzo, il y a ta meuf derrière toi, non? Et enfin, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez en train de perdre le contrôle de votre véhicule? Ouais. Non, jamais. Alors ça veut dire que vous avez une mauvaise habitude qui pourrait bientôt devenir un vrai problème. Donc en fait, c'est une sorte d'avertissement. D'accord. Faites attention à vos mauvaises habitudes. Bon, bah la vie d'Amir est clairement une tannée. Hein. Ouais. Il a tout, le gars. Bon, en tout cas, ça vous fait réagir. On a Lo qui nous a appelé de Forbach. Bonsoir, Lo. Salut Marion, salut Enzo. Oh, j'aime bien ce prénom. Lo. Oui. En fait, c'est Laurent, mais on m'appelle tout le temps Lo. Ouais, j'aime moins. Et je vais juste vous demander, est-ce qu'on est content d'être là? Papa, on est content d'être là. Ça fait super plaisir de vous avoir au téléphone, ça prend pas que je passe à la radio. Bah nous, ça nous fait super plaisir. Je tiens juste à dire que Marion et Amir, je vous suis de l'émission de Coury, je vous adorais tous les deux. Et je vous suis aussi maintenant et je découvre Anso aussi, j'adore Anso. Eh bah, ça fait moi aussi, je t'adore, Lo. Ouais, il est trop mignon, merci de ta fidélité, ouais, c'est cool. Moi, je te suis depuis longtemps, mon frère. Alors, Lo, comment ça se passe le sommeil chez toi? Bah, moi, en fait, je souffre de paralysie du sommeil. Ah merde. Moi aussi. Alors, raconte, parce que ça, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas ce phénomène, c'est quoi? En fait, bon là ça va, ces temps-ci ça s'est calmé. Ça arrive souvent quand on a des troubles du sommeil. Moi ce qu'il y a, c'est que en général je reste éveillé longtemps la nuit, je dors la journée, enfin j'ai totalement le sommeil explosé. Ouais. Et en fait c'est ce qui arrive parfois entre la phase d'endormissement et le vrai sommeil. Ouais c'est ça. On se retrouve totalement paralysé, mais vraiment totalement paralysé. Il n'y a que nos yeux qui peuvent encore bouger. Ouais. Est-ce que t'as des hallucinations auditives et visuelles aussi? Ouais, justement, ouais. Je voulais justement venir, j'ai les deux. J'ai hallucinations auditives et hallucinations visuelles et tout ça. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, ben, je vois des ombres sur mes murs, je vois des araignées géantes, je vois des gens debout à côté de mon lit qui me parlent et c'est vraiment flippant. Moi aussi, j'ai déjà eu ça. Mais ça, c'est dur hein. Et ça arrive à plein de gens, mais ça doit être flippant parce que tu peux pas bouger, tu peux rien faire, quoi. C'est affreux. Mais ça dure combien de temps, Lo? C'est rapide. Ça peut durer pas mal de minutes. Hein. Si vraiment t'as du bol, ça va durer 2-3 minutes. Tu sais, si t'essayes vraiment au fond de toi de te battre pour t'en sortir, c'est horrible. Ça peut vraiment durer que quelques minutes, mais parfois ça peut durer. Oh, Amir, toi, ça dure quelques secondes, non? Mais, non, ça dure pas autant, mais ça dure 2-3 minutes et en fait. Il faut se battre pour sortir et pour réveiller ton corps, voilà, parce que sinon c'est impossible. Et en plus, tu sens quand ton esprit revient. Mais c'est hyper compliqué. Mais on sait d'où ça vient ce délire? Non, c'est juste qu'en fait. Je sais plus si ce que je dis c'est des conneries ou pas, mais en gros c'est ta conscience ou ton inconscient qui est paralysé en même temps. Ouais, c'est par rapport à ça. Ouais. C'est entre la phase d'endormissement et le sommeil paradoxal, enfin les termes médicaux. Ouais, c'est ça. Moi je propose une petite thérapie groupée entre Amir et Lo. Ouais. Les gars, restez en contact, parlez-vous le soir. Non, mais on va s'écrire par SMS, on va te voir, on va passer une belle soirée, mon pote. Ouais, même ouais, une belle soirée. Après, on se racontera nos hallucinations. Eh ben vas-y, je vais te follow, frérot. T'es un amour en tout cas. Des beurs hallucinogènes. Ouais, tu le follow, là, peut-être. Lo poteau, merci d'avoir appelé. T'es un amour et franchement, je pense que t'as parlé à plein de gens parce que t'es pas le seul à vivre ce genre de truc. Donc ouais, merci. Merci Lo. Bah, je vous en prie, les filles. On t'embrasse. Bonne soirée à vous. Salut. Bisous. Bisous. Je kiffe. Et franchement, je connaissais pas moi la paralysie du sommeil, c'est chambé. Enfin, c'est jamais. Non, c'est horrible, mais c'est cool de connaître et, ça. Et tu connais l'apnée du sommeil? Ah oui, bah, c'est horrible. Non, il y a des gens qui en font, ils ont rien à côté. Hein. Oui, mais à ils terme. Font des apnées. À terme, du coup, quand tu fais beaucoup d'apnée du sommeil, tu dois avoir une petite machine pour respirer la nuit. Ouais. Il y a plein de gens qui font ça, mais on se bat. Yannick du Standard, il le fait. Hein. Ouais, je fais de l'apnée du sommeil et du coup, j'ai un petit appareil pour respirer. Attends, mais ce gars a tous les problèmes du monde. Du coup, attends, t'as déjà pécho avec l'appareil de l'apnée du sommeil? Ça, je sais pas pourquoi je l'ai dit à l'antenne. Finalement. Mais attends, justement, ça fonctionne comment? Tu dois brancher quoi? Enfin. Alors en fait, c'est un tout petit appareil que t'emmènes avec toi et en fait, ça te donne de l'oxygène pour respirer. Ouais. Et ouais. C'est très dangereux pour la santé. C'est pour ça que quand t'es en surpoids, l'apnée du sommeil, c'est très dangereux. Ah d'accord. En fait, ton cerveau il est pas assez oxygéné, donc du coup, c'est pour ça. Bah, du coup, là, j'ai de la peine pour toi, bichon. Cool. Ah mais ça peut partir. Hein. Ah oui. D'accord. Bon bah tant mieux, on est soulagés. On a Elodie qui nous a appelé de Pont-au-Mer. Alors je sais pas du tout où c'est ça. Bonsoir Elodie. Salut Marion, salut Anso. Ça va? Oui, et toi? Bah oui, c'est où alors, Pont-au-Mer? Alors, Pont-au-Mer, c'est en Normandie, c'est à côté du Havre. D'accord. Ah. Ok, et alors qu'est-ce qui se passe, toi, la nuit, comment on dort? Alors, moi, la nuit, je dors très mal. Enfin, c'est dans l'ancienne maison où j'habitais, en fait. J'ai emménagé dans une maison en 2014. Et en fait, quand je montais me coucher, je m'endormais et j'étais souvent réveillée par comme une présence, en fait. Et en déconnant, j'en parlais à mes voisines et je disais, je comprends pas, c'est bizarre, machin. Et là, ma voisine me dit, mais en fait, est-ce que tu es au courant que quelqu'un est mort dans cette maison? Oh. Et là, donc du coup, je lui dis, bah non, en fait, sinon jamais j'aurais pris cette maison. Et là, elle me dit, il y a déjà 4 familles qui sont passées après toi et qui ont eu exactement les mêmes choses. Et à chaque fois, ils ont déménagé. Et en fait, une fois, je me suis retrouvée enfermée avec mes enfants dans la chambre. Comme si quelqu'un en fait tenait la porte et nous empêchait de sortir. Mais c'est du paranormal, bah ça. Oui, là, c'est carrément les esprits. C'est oui, ouf. Non, mais c'est ça. Et la nuit, c'est quand j'étais couchée, vraiment super bizarre, parce que des fois, la sensation d'être, que la personne, elle s'allongeait en fait sur moi ou essayait de m'étouffer, c'était vraiment bizarre. Mais c'est terrible, ce qui t'arrive. Peut-être qu'il essayait juste de ken. Peut-être. Eh, ils ont peut-être des besoins comme tout le monde. Hein. Faut respecter ça. Qu'est-ce qu'elle est con. Bah, franchement, t'as déménagé ou pas? Oui. D'accord. Oui, on a déménagé. Et c'est terrible. On refera une soirée paranormale et on te reprendra parce que cette histoire est quand même énorme. Ouais, franchement. Les esprits qui viennent t'étouffer la nuit, ça, j'avais jamais entendu. Donc, du coup, on peut comprendre qu'il y a quelques problèmes du sommeil, hein, du coup, avec ça, Elodie. Ouais, c'est ça, complètement. Bon, merci de nous avoir appelé, Bichette. On t'embrasse. De rien, bisous, ici. Bisous, Elodie. Je voulais juste que Thibaut raconte à la France entière le cauchemar qu'il a déjà fait parce qu'il me fait beaucoup rire. Thibaut, ouais. Vas-y. Bah, en fait, moi, quand j'étais petit, j'ai rêvé genre qu'un mec était venu me lécher les pieds pendant mon sommeil et c'était genre un vieux barbu. D'accord. Ouais. Donc en fait tu rêvais du Père Noël qui venait te lécher les yeux. C'est ça. Mais pourquoi? Bah je sais pas. Et en plus pour le coup mes parents m'ont toujours dit que c'était un cauchemar, un rêve. Moi je suis persuadé que c'est un vrai mec qui est venu. Tu vois. Bah, je pense que c'est ton père qui s'est fait un kiff, ouais. Oh, mais ça va pas. Oh, non. Mais ça va pas. C'est vrai que mon père il peut avoir des délires chelous, c'est possible. Et il a une barbe ton père? Ah il commence à avoir des trois poils qui poussent. Pépère, ouais. Comment ça se passe le sommeil, toi? Bah, Pépère, lui, la nuit, il rêve qu'il se fait inonder. Oula. D'accord, c'est chelou et ça fait peur? Bah non, ça fait pas peur, mais quand Pépère, il se réveille, il en a vraiment inondé de partout, quoi. Il y a de la pisse dans tous les draps, hein, mais bon. Et pourquoi? En même temps, mes mères, elle est incontinente. Hein. Oh. Putain, oui. Mec, elle a tous les défauts du monde, mes mères, c'est pas possible. Non, elle a un seul point positif. C'est quoi? Parce qu'elle a un gros cœur. Ah. Bah Pépère, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah Pépère, il est joyeux ce soir. Hashtag quelque chose peut-être? Oui, hashtag romance. Non mais Pépère, est-ce que ce serait pas parce que ta Articule. Copine est derrière? Oui, c'est parce qu'elle est derrière, elle contrôle les reines. D'accord. Bah oui. C'est clair. Pépère, ce soir, ce sera pas un mot plus haut que l'autre. Bon allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer si vous voulez vous inscrire. Marion et Anso@funradio.fr. Et pour le son tout de suite, Major Lazer et Justin Bieber sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will with you, and I hope you know I won't let you. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I won't let go. No, no, no, no. I won't find tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Come on, come on. Save me from a rocking boat. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Fun Radio. Justement, paf, vous nous prenez comme ça à brûle pour point. Bah, vous savez pas qu'on vient vous chercher à la sortie de vos bahuts. Ça peut être le collège, le lycée, la fac, n'importe quoi. Marion et moi, on débarque avec du cadeau et puis on vous emmène faire l'activité de votre choix. Si vous êtes à Paris, vous venez assister à l'émission. Et si vous êtes en province, on vient un vendredi comme ça. On a tout le week-end pour faire connaissance. Ah, oh, j'adore. Et en général, on fait plein de trucs. On mange ensemble, on fait des activités, du sport, la totale. Si vous voulez du sport, peut-être pas, non. On a déjà fait de la patinoire. Ah oui, c'est vrai. Bah, ah. Quel sport. En tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Et pour vous inscrire, marionetanso@funradio.fr ou sur Twitter avec le hashtag Marion et Anso opération Bahut. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. C'est chez nous le Pourquoi tu m'appelles tous les soirs à 23h. Et cette semaine, on vous offre 100€ de code promo chez Deliveroo. Alors, qu'est-ce que c'est Deliveroo? En gros, c'est un truc qui bosse avec plein de restaurants et qui vous livre en moins de 30 minutes chez vous. Et franchement, c'est cool parce que c'est de la bonne bouffe et c'est pratique, c'est rapide. Effectivement, c'est une bonne sélection de restaurants. Nous qui pratiquons, on est rarement déçus. Ah. On joue avec Cédric ce soir. Bonsoir Cédric. Salut Anto, salut Marion, toute l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, t'habites où toi? À Étoile-sur-Rhône. Étoile-sur-Rhône, qu'est-ce que c'est? C'est où? C'est dans la Drôme, à côté de Valence. D'accord. D'accord, ok, j'ai jamais entendu, c'est joli. Le mec habite sur une comète et ça choque personne. Tu veux jouer contre qui ce soir? Je vais jouer avec Anto. Ok Cédric. Ok, alors Enzo, je vais te donner un handicap qui peut ne pas en être un. C'est-à-dire que ça peut t'aider si c'est un homme au bout du fil. Tu vas devoir le draguer, faire la chaudasse. Eh bah, ça va bien me donner encore une bonne image, cet handicap du coup. Ouais, tu m'appelles. J'aime bien. Bon, eh bah Cédric, je commence comme ça, ça te permettra d'avoir une jauge un peu. Ouais, du y a temps. Pas de soucis. Hein, allez, c'est honneur aux dames quand même. Oh bah, quelle galanterie. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est tout l'étoile. Ah, étoile, bah, sois hyper galant. Hein. Allô? Allô? Ouais, c'est qui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Comment ça, pourquoi je vous ai appelé? Bah oui, mon téléphone vient de sonner, mais du coup, vous avez une super jolie voix, et je voulais savoir pourquoi vous m'appeliez. Moi, je vous ai appelé, mais on va raconter quoi? Ben... Je vous ai appelé quand? Là, à l'instant, en fait, je sortais de mon bain, et du coup, j'ai juste eu le temps d'enfiler une petite serviette. Attends, c'est quoi mon numéro? Moi je suis pas censé savoir puisque c'est vous qui m'appelez. Mais je sais pas parce que moi je suis pas appelé moi. Mmh. Là, ça fait... Vu qu'on est au téléphone ensemble, peut-être qu'on pourrait faire connaissance. Vous avez vraiment un rire charmant. Ah, bah, tu me fais trop rire toi, c'est un truc de ouf. Ah, donc en plus, c'est cool parce que du coup on se tutoie alors. Ouais. Eh, mais allô, c'est trop cool, dire là, t'as eu. Envoie ton numéro, un message, je te rappelle, je suis en train de codir là. Et je ne comprends pas par contre ce que tu dis, mais c'est quoi codir? Je suis en train de conduire, ouais, je suis au volant. Ah, moi j'ai toujours aimé les mecs qui conduisent. Mais pourquoi tu m'appelles? Excusez-moi, vas-y, bref, je monte ta gueule. Ah! Une insulte. Il est parti. Alors, Anso, j'ai toujours aimé les mecs qui conduisent. Non. On fait de la radio, on donne un bon exemple. On a fait des cours de français. Mais surtout, oui, ça ne veut rien dire. On est d'accord. Ouais, c'est mecs ça. Qui conduisent éventuellement. Bon, combien de temps j'ai fait, Thibaut? 1 minute 24. C'est pas mal, hein, franchement. Il faut absolument que tu me sortes, Thibaut, ce rire. Il est magnifique. Ouais. Okay, alors, et moi ça. Qui lui dis qu'il a un rire sexy. Bon, Cédric, 1 minute 24 à battre. Cédric, t'es prêt? Non, ouais. Non, tranquille. Il ne faut pas partir comme ça dans la défaite, hein, parce que sinon, on perd la bataille. On va essayer de tout donner. Fais la chaudasse, ça aide. L'étoile est avec toi. Je suis sûr qu'il est né sous une bonne étoile. Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Pourquoi tu m'appelles? Mais je vous ai pas appelé. Bah écoutez, j'étais en travail, je suis chauffeur routier là, et j'ai mon téléphone qui a sonné, et donc j'ai répondu, et c'était pour savoir pourquoi tu m'appelles. Bah écoutez, ça doit être une erreur, parce que moi, mon téléphone vient de sonner, je décroche, et puis c'est vous, donc... Vous avez pas essayé de m'appeler par rapport à une annonce sur le bon coin pour un quad? Ah non, pas du tout. Non. C'est pas par rapport au travail ni rien? Non, pas du tout. Bah écoutez, ça doit être une erreur. Hein. Ah, bon, je sais pas alors, parce que j'ai mon téléphone qui a sonné et j'aurais bien voulu savoir pourquoi tu m'appelles. Bah écoutez, je vous ai pas appelé. Mais je sais pas, mon téléphone il a sonné, donc c'est que quelqu'un m'appelle et donc... J'ai mon portable qui vient de sonner, j'ai décroché, puis je vous ai au téléphone, quoi, donc je sais pas, je peux pas vous dire. Ben, je peux pas vous dire non plus, vous êtes chez qui comme opérateur? Chez Bouygues. Ah, bon, ben, je sais pas alors. Bon, ben, écoutez, c'est l'autre. Faudrait sûrement peut-être appeler votre fournisseur pour voir s'il n'y a pas de problème sur la ligne, quoi. Alors, Cédric, il est parti, hein. Par contre, on a pas voulu te couper dans ta phrase parce que t'étais dans ton élan. Ouais. Mais je crois qu'il est parti, hein. Mais bonne stratégie, le coup des problèmes de réseau, tout ça, on aime bien, ça fonctionne toujours, mais il a pas tenu longtemps. Alors là, j'ai un doute. Elle a fait 1:24, Anso, combien de temps il a fait? Il a fait 1 minute. Et 10 secondes. Oh non! Cédric, t'étais aux portes du resto gratos là. Ouais, bon, bah tant pis. Ouais, mais tu sais comment ça se passe dans cette émission et on le fait vraiment nous. Il y a le pourquoi tu m'appelles de rattrapage. Donc Yannick du Standard va garder ton numéro et dans 15 jours tu repasses avec nous. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Eh ben on t'embrasse, poteau. Bisous Cédric. Bisous toute l'équipe. Salut. Bisous. Ciao. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons avoir Atlan. Oui, je sais, c'est un prénom bizarre. Je sais même pas si ça se dit Atlan ou Atlan. Eh bien, nous allons le découvrir, Marion. Atlan nous a envoyé un mail puisqu'il se pose une question. Il veut être DJ, là. Il s'est inscrit dans une école pour ça, sauf qu'il est homosexuel. Et ça m'a étonné. Il veut savoir, en fait, si son homosexualité va le freiner là-dedans. Ah bon? Bah oui, je trouve ça bizarre, mais du coup, on ouvre le débat là. Venez nous raconter si vous êtes gay, si ça vous a bloqué dans votre taf ou dans votre vie perso. Et surtout, venez le conseiller Atlan, ou qui qu'il soit. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson, okay. Thank you. that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. h 18, l'heure est grave puisque ça y est, nous allons offrir du bonheur. On avait lancé depuis la semaine dernière un grand concours sur Facebook et Twitter, les deux pages de toute façon c'est Marion et Anso. On avait épinglé un visuel concernant Deliveroo. Deliveroo c'est une chaîne en fait qui vous livre à domicile de la bouffe des plus grands restaurants près de chez vous, ouais, en moins de 30 minutes. C'est énorme et c'était 300 euros quand même de bons d'achat chez eux. Non, donc mais c'est là, chiant, mais hein, 300 euros. On va quand même offrir deux fois 300 euros, un gagnant Twitter, un gagnant Facebook. Par qui on commence, Twitter ou Facebook? Allez, partons sur Twitter. Twitter, eh bien je crois que notre gagnante est déjà en ligne. Ah, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sarah. Elle bonsoir habite à Grenoble. Marion. Bonsoir Sarah. Salut Grenoble. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, ça va? Oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Alors, Sarah, on veut tout savoir de toi. Comment ça se passe à Grenoble? Est-ce qu'on a une famille? Est-ce qu'on est maqué? Raconte-nous. Alors moi j'ai 25 ans, j'habite à Grenoble. Je suis en couple, ça fait 2 ans, et puis je suis super contente que vous m'appelez, quoi. On est d'accord que ça te fait kiffer de ouf, les 300 balles. Ah oui, carrément, oui. Et franchement, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est juste énorme. Et moi, je vais pas faire de suspense parce que de toute façon, t'es déjà en ligne. C'est gagné pour toi, ma belle. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. La bombe. Kiff. Merci beaucoup à vous, Fun Radio. Hein, vous êtes les meilleurs et puis continuer comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, Sarah? Tu vas faire comment? Tu vas les garder pour toi ou tu vas payer une grosse bouffe à tes potes? Bah, je vais faire une grosse bouffe entre copains, copines, avec mon frère David d'ailleurs, un petit coucou, et Jessica. Et bien, bah, mon chéri, Tizen, voilà. Elle est généreuse, c'est bien. On t'embrasse, ma Sarah, profite bien. Bah merci beaucoup à vous et plein de bisous. Bisous à toi. Salut, ciao. Et puis alors, figurez-vous que l'autre gagnant Facebook, c'est aussi une fille. Ah bon? Elle s'appelle Sandrine de Marseille. Bonsoir Sandrine. Ouais, bonjour Marion, bonjour Anso. Ah, ça fait du bien cet accent, ça va? Ça va, ça va. Il fait froid, mais ça va, oui, ça va. Et bah chez nous aussi. Alors Sandrine, toi, comment ça se passe la vie à Marseille? Bah écoute, je t'écoute à peu près tous les soirs et franchement, je trouve que c'est une émission très très sympa, très chouette. Ah, oh, c'est cool ça, Sandrine. Tu nous as découvert comment, Sandrine? Bah écoute, par une amie qui vous écoutait déjà, qui m'a donné votre, disons, elle m'a dit écoute, ça va, c'est sympa, j'ai écouté et puis du coup, je lâche plus, hein, je garde tous les soirs. Alors, cette amie, on l'embrasse bien fort. Hein. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Ma belle, pareil, hein, pour toi, 300 euros chez Deliveroo, kiff, ouais, envoie-nous des super photos. Fais des bouffes avec les potes, la famille, ok? Ok, merci beaucoup. On t'embrasse, Sandrine, bisous. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous. Et j'ai l'impression que ce soir, on donne que du bonheur. Et pop, pop, pop, pop, pop, comme ça, quoi. Ce qui est con, parce que je fais ça ici, mais vous voyez pas derrière votre radio ce que je suis en train de faire. Il y a Atlan, Atlan. Alors, on savait pas trop qui est avec nous au téléphone ce soir. Alors, c'est Atlan ou Atlan? Non, Atlantique. C'est Atlan. Bonsoir, Atlan. Atlan. Salut les filles, salut l'équipe. Ça va, j'aime bien ce prénom original. Merci. Alors, ça va et vous? Bah oui, ça va, mais alors toi, t'avais une question qui nous a un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe? Alors ouais, donc du coup, comme vous disiez tout à l'heure, je vais avoir un entretien pour rentrer dans une école de DJ. Mmh. Et je sais que le monde de la nuit, c'est à la fois ouvert, mais à la fois fermé. Voilà, il y a des cases à avoir. Enfin, c'est un peu strict sur certaines choses. Et donc moi, je voulais savoir si l'homosexualité, ça pouvait te ralentir dans tes projets. Oh, mais alors franchement, je vais te dire un truc, mais pas du tout. Enfin, déjà, t'es pas obligé de l'assumer. Après, si t'as envie de l'assumer, bah, c'est ton choix, y a pas de souci. Mais surtout, dans le monde artistique, dans le monde de la nuit, des DJ, y en a beaucoup qui sont homo. Ça gêne en rien, quoi. Mais non, mais en plus, Atlan, moi, par exemple, j'ai jamais crié haut et fort mon hétérosexualité. C'est juste ta vie privée. T'es pas obligé de faire un coming out si t'en as pas envie, c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Bravo, bravo, bravo. Anne son présidente, les gars. Franchement, là. Non, mais c'est vrai, personne ne fait de coming out et personne ne hurle au monde entier. Bonsoir, je suis Anso, je suis hétéro. Tu vois? Non, mais alors peut-être que ça se sait, je sais pas. Est-ce que tu l'as déjà fait, ton coming out? Alors, je l'ai fait avec mes proches familiales et familiaux, plutôt. Mm-hmm. C'est un peu mieux. Et amis, après... voilà, oh, non, mais j'ai pas de... J'ai pas de coming out à faire, c'est mais pas non. Le souci, quoi, mais... Poto, on est en 2016. Qui ça pourrait bloquer? Est-ce que tu penses qu'un patron de boîte va te dire « Ah non, monsieur, vous êtes gay, c'est pas possible. » Est-ce que tu penses que des gens vont te dire « Non, j'aime pas ta musique parce que t'es gay. » Franchement, pour moi, je comprends que t'aies envie d'être discret parce qu'il y a toujours... Il y a des cons partout. Donc tu peux très bien tomber lors d'une presta sur un con qui va t'insulter. Il y en a partout, en province, partout, à Paris même. Oui, bien sûr. Donc évidemment, t'es pas obligé de le dire si t'as pas envie de le dire, mais ça va jamais te freiner. Hein. Mais surtout, en plus, toi, t'es dans un milieu qui est quand même le milieu de la nuit et tout, qui est quand même moins compliqué que, par exemple, je dirais, dans le milieu politique ou je sais pas, le milieu de la compta, peut-être. J'en sais rien, en fait, je sais pas. Hein, mais... Tu vois ce que je veux dire, Atlan? C'est que t'es pas... Mais tu sais quoi, on demandera tout à l'heure l'avis d'Adrien Thomas, qui est quand même le DJ Party Fun, parce que voilà, c'est intéressant. Mais moi, je pense que bah, y a plein de DJ qui sont homo, il y a plein d'artistes qui sont homo, ça change rien en fait. Ouais, non, après, c'est enfin, je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment je vais faire. Soit je résisterai, soit justement je m'en sers pour pouvoir être original par rapport aux autres. Enfin, je sais pas. Ah non, moi je pense pas que tu doives particulièrement en jouer, en faire un trait de caractère. Il faut pas que tu gagnes la sympathie des gens par rapport à ça ou quoi. Il faut que ce soit ton talent qui soit mis en avant. Moi je pense que c'est pas sympathie ou pas. C'est justement pouvoir t'aider de ça pour que les gens se disent tiens en fait lui je le connais parce que voilà il a un truc en particulier ou tout en travaillant et en se faisant connaître avec le travail que tu fais en fait. Moi je suis pas sûre, c'est ta sexualité, je vois pas en quoi ça pourrait attiser plus la curiosité qu'autre chose. Tu fais bien ce que tu veux avec tes fesses, c'est ton problème. Les gens à mon avis ils ont pas besoin de le savoir, hein. Ou alors tu dis que t'es bi comme ça ça fera kiffer tout le monde. Ouais, c'est clair. Tu vois. Écoute, si jamais tu cartonnes un jour, tu pourras te poser la question. Est-ce que je l'assume? Est-ce que je le dis à mes fans, etc. Ça, c'est une vraie question qui se pose. Aujourd'hui, t'es encore pas connu, tu débutes, reste discret là-dessus, fais ta vie, fais ton truc. Si on te demande, bah, tu peux le dire. Si on te demande pas, tu dis rien, tu vois. Ah oui, non, mais ben, après, de toute façon, connu, pas connu, t'es content, ça te gêne pas, il n'y a pas de souci, ça te gêne, je m'en fiche, tu vois, mais... voilà, c'est juste que j'ai vu une TV de Maeva Carter qui disait que dans le monde de la nuit, déjà, en tant que femme, ça a été très compliqué. Mais bon, après, voilà, elle a une échelle assez haute. Ouais. Après, il y a plein des DJ qui sont gays. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais puis attends, Maeva Carter, ben, j'en connais pas. Mais nous, on en connaît, mais ils l'ont pas encore dit. Et c'est pas pour autant qu'ils ont une carrière ratée. Bah non. Ah oui, c'est clair. Donc t'es pas obligé de dire, fais ta vie et puis tu t'en fous. Je crois que c'est dans n'importe quel métier pareil, quoi. T'es pas obligé de le dire, ça regarde personne en fait. C'est ton business, hein, Atlan. Au pire, tu dis, bah, tu kiffes les meufs le temps que ça explose pour toi et le jour où ça explose, bim. Mais je tu fais même un titre, pas. Je suis gay. Non, sauf mais si clairement. Même pas, t'as... J'ai même pas envie de faire semblant. Mais clairement. Oui. Eh bah alors assume-le, tu t'en fous. Mais en fait, dis-le aussi quand on te pose la question, mais c'est tout. Mais oui. Ouais. Ou alors achète des 4x3 en France et puis dis-le, mais je pense pas que ça change la vie des gens, Atlan, tu vois. Je pense que les gens s'en foutent même en club. Hein. Mais oui, ouais. Sans déconner, n'en fais pas une histoire. Si on te pose la question que t'as envie de le dire, tu le dis. Sinon, tu restes discret, tu fais ta musique. L'important, c'est ce que tu vas proposer en termes de mix. Et l'important, c'est d'aimer et de tout donner. Merci, Anso. Oh là là. Tu sais quoi, on a du monde au téléphone quand même, on va voir s'il y a de la réaction. Si vous, là, continuez à nous appeler, si... Bah vous regrettez peut-être d'avoir assumé dans votre milieu professionnel ou si ça s'est bien passé, 01 42 48 5000. Marine est à Angers, bonsoir Marine. Bonsoir toute l'équipe. Ça va le 49? Ouais, merci. Alors dis-nous, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu es lesbienne? Bah oui, du coup je suis lesbienne et en fait ça m'a vachement aidée dans mon taf. Donc en fait moi je travaille en tant que saisonnière à la banque. Voilà, ça fait 3 saisons que je travaille à la banque. Et en fait, mon patron était hyper lourd avec moi. C'est-à-dire qu'il me faisait des gros sous-entendus. Mmh. Enfin, je voyais très, très bien ce qu'il attendait, en fait, hein, très clairement. Il essayait d'être très proche de moi. Et quand je lui ai finalement annoncé que j'étais lesbienne, bah, au contraire, ça a tout changé. Il est devenu hyper protecteur avec moi. Ça s'est super bien passé. Et du coup, bah, il m'embête plus, hein, très clairement. Et bien que je l'assume, après, j'en fais pas des tonnes non plus, hein, bah, au contraire, j'ai l'impression qu'au sein de l'agence, bah, c'est très, très bien passé et que ça a toujours été un atout, quoi. Est-ce que, Anso, dis-toi honnête, est-ce que t'as déjà rembarré un mec et t'avais la flemme de te justifier, t'as dit, excuse-moi, j'aime les filles? Ah oui, mais je suis tombée sur le plus gros lourdingue du monde qui en avait, il s'en foutait complètement. En fait. Ah, il a continué. Ah ouais, et puis encore plus lourd qu'au début, t'es. D'accord. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Si tout s'est bien fini pour toi, c'est le principal. Ah bah complètement, ouais. Non, au contraire, j'étais super contente et en général, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Et comme quoi, même dans le milieu de la banque, ça peut très bien passer. Donc, Et toi, voilà. Toi, tu conseilles quoi à Atlan? De le dire, de le garder pour lui, de... Bah en fait, comme Anse disait, je pense que tant qu'on lui pose pas la question, c'est pas non plus la peine que les gens le sachent forcément. Mmh. Après, si effectivement on lui demande, bah pourquoi pas le dire. Après, peut-être pas être extravagant non plus, mais l'assumer, ça peut être une bonne chose, ça c'est sûr. D'accord. Okay. Bon bah une sage parole, Kémarine. Ouais. Merci de nous avoir appelés. On t'embrasse, ma belle. Merci à vous. Bisous. Bisous. On a Damien aussi qui est à Caen. Bonsoir, Damien. Salut les filles. Ça va, Damien? Ça va très bien, ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Tu bosses dans quoi? Raconte. Alors, je bosse dans une grosse étude notariale. Mm-hmm. Et ça fait plus de trois ans que j'y suis. Et je suis, on va dire, j'ai été longtemps un salarié lambda. C'est-à-dire qu'on me dit bonjour le matin, on me dit au revoir le soir, mais voilà, pas trop de... Et un jour, je ne sais pas trop exactement comment, a priori, via une application de rencontre, mais je ne suis pas certain. J'ai un de mes collègues qui a su que j'étais gay. Et qui en a parlé à l'étude. Et bizarrement, du jour au lendemain, j'ai essayé de devenir quelqu'un d'hyper populaire dans l'étude. Ah bon? Et les filles viennent me voir pour me parler fringues, coiffure et autres. On l'a cliché, quoi. Les mecs viennent me voir pour me demander des conseils par rapport à leur meuf, par rapport à des tenues, par rapport à des choses comme ça. Et depuis, donc, ça fera maintenant un peu plus d'un an que ça. Et enfin voilà, j'ai évolué au sein de l'étude, ça a été vraiment, donc on va dire que c'est quelqu'un qui a fait mon coming out au niveau professionnel, il l'a fait pour moi, mais en tout cas ça m'a énormément servi et aujourd'hui je suis quelqu'un de voilà connu, reconnu dans l'étude et je vais presque dire que ça m'a aidé peut-être à l'assumer un peu plus et à continuer d'avancer en disant bah ouais je suis gay et puis voilà. Et ben on t'applaudit, bravo. Bravo à toi. Ah yeah, beau gosse. Tu vois, t'avais pas forcément choisi de le dire. Le destin a décidé autrement. Ça s'est su et ça se passe bien pour toi. Et ben tant mieux, franchement, mon pote. Hein. C'est ça. On Donc, t'embrasse. Du coup, toi, c'est pareil. Tu conseilles de pas le dire forcément et d'attendre que les choses se fassent pour lui. Moi, j'ai jamais caché. Ok. Mais je le sens forcément le dire ouvertement. Et voilà, donc en même temps, les gens n'ont pas eu l'impression que je les avais trahis ou trompés ou que j'avais essayé de raconter des histoires. Mais voilà, et puis le jour où ça s'est su, allez, je vais pas dire que pour certains de mes collègues, ça s'est fait comme une évidence, mais ils se sont dit, ouais, c'est vrai que en fait, et puis voilà. Mais c'est ça, en fait, on s'en fait tout un monde alors qu'en réalité, les gens, ils disent tout le temps, ah ouais, bah d'accord. Oui, c'est vrai que c'est souvent, on appréhende plus les parents. En vrai, les collègues, ouais. En général, ça passe très bien. Bon, en tout cas, Damien, merci de nous avoir appelés. Je pense que ça a donné du baume au cœur à Atlan. Atlan. Merci à vous les filles, merci pour l'émission. On t'embrasse Damien. Bisous. Atlan Bichon, franchement, le dis pas. Fais ta route, trace ton chemin, bosse surtout tes musiques, tes contenus, tes mix. Et puis, bah, si jamais t'as envie de le dire un jour, quand tu seras bien installé, tu le feras. Mais pour l'instant, c'est pas la peine, ok? Bah ouais, non, mais c'est clair. Puis vu ce qu'a dit Damien, en fait, c'est encore du cliché, quoi. C'est, bah oui. C'est voilà, les collègues, elles arrivent, on parle coiffure et. Oui, et mais nous, on aime quoi, bien. Pas du tout. Oui, non, mais c'est pas histoire de bien aimer ou pas, c'est histoire que. Que ça fasse genre moi je suis pas du tout comme ça hein. J'en fais pas des tonnes voilà non mais je sais Adlan je traîne qu'avec des mecs enfin voilà quoi rien non à mais voir. Je comprends mais nous il faut comprendre que quand on est une nana on se dit putain on a un mec il y aura zéro ambiguïté il peut nous conseiller sur tout ce serait comme une pote meuf mais en mec du ouais. Coup forcément ça nous excite un peu donc parfois on est dans le cliché on s'excuse qu'est-ce que je te dise Adlan si tu veux on t'appellera pour changer une roue vieux cliché dans l'autre sens quoi ouais enfin l'automobile, ça va aller pour moi, non merci. Oh. Bon, on te fait des bisous, Bichon, merci de nous avoir appelés. Bisous à vous, merci. Bisous, Atlan. Alors, j'ose à peine demander l'avis de Pépère sur ce sujet. Oula. Pépère, oui. Sois soft, sois gentil, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, Pépère, je pense que moi, je conseille de ne pas le dire à personne. Hein. Et pourquoi il faut pas le dire? Bah, comme ça, au moins, son trou de balle, il sera tranquille, personne ne va aller lui faire les fesses. Hein. D'accord, Pépère. Merci, Pépère. Non, et ce que j'aime bien, c'est. Bah, moi, je conseille de ne pas le dire à personne. Ça, c'est pas excuse-moi, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des cours. Hein. D'avoir des quoi? Des cours, hein. Ah, d'accord, des cours, l'école. Oui, voilà, les d'accord. Cours. Hein. Ça marche. On reste avec nous dans un instant, on va bitcher sur Fun Radio 0142. 48 5000, c'est juste après Jonas Blue sur Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need. this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. C'est Marion et Anso, le Night Show. Dans un instant, on va bitcher tous ensemble. Mais avant, on a instauré un petit jeu qu'on aime bien dans l'équipe. Il y a une vidéo sur YouTube. C'est le 1-2-3. En gros, vous êtes avec des potes et à 3, vous dites le nom de la personne que vous aimez le moins. Et moi, ce soir, j'ai envie de décliner ce jeu. J'ai envie qu'à 3, les amis, on dise, selon nous, la personne qui sent le moins bon dans l'équipe. Ah, qui sent le moins bon, mais c'est hyper chaud. C'est hyper chaud, mais... Voilà, on va tous le dire en même temps. Du coup, les auditeurs vont juste percevoir quelques prénoms, quoi. Attends, mais moi, j'ai pas d'idée. J'ai l'impression que tout le monde... C'est horrible. Tout le monde se regarde. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Tout le monde a le micro? Ouais. Attention. Un, deux, trois. Enfin, un moment où l'on peut dire ce qu'on pense. C'est l'heure de bitcher dans le Night Show. Les gars, Anso, Babel, j'ai entendu du Anso. Non, j'ai dit... moi, j'ai dit Enzo très fort. Ah, mais bon, c'est parce qu'aujourd'hui, t'as fait du sport, non? Oui, voilà, j'ai fait un peu de sport. Non, moi, j'ai dit Béric. Ah ouais, tu m'as mais, moi, j'ai dit Enzo. Mais moi, je trouve que ce jeu, il est très drôle parce qu'il faut pas dire après ce qu'on a dit. Il faut essayer d'entendre en même temps qu'on le dit, mais sinon, après, ça peut vexer. Non, mais je tenais à dire ça parce qu'on a entendu beaucoup de Enzo, mais en fait, c'était Enzo. Ah, d'accord. Eh, Babel, tu sens très bon. Bah, merci. Bon, il est l'heure de bitcher tous ensemble. On en refera. On se refera un 2-3 tout à l'heure ou dimanche, c'est promis. Est-ce que je peux commencer pour le bitchage parce qu'il y a un truc qui m'énerve? Vas-y. Je suis pas contente, je suis chonchon contre monsieur Cyril Hanouna, que je respecte et que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais Hanouna a lancé une nouvelle émission qui va débuter la semaine prochaine. C'est un talk show sur Canal+. Et comment il a appelé ce talk show, monsieur Hanouna? Le Hanounight Show. Oh non! Et alors, je crie au plagiat. Je sais qu'on est une petite émission, je sais que ça fait pas longtemps qu'on est en place, mais on s'appelle quand même le Night Show. Et je me dis, le gars, il bosse avec 600 personnes. Il est hyper entouré. T'as pas un gars qui a tapé sur Google et qui a vu que le nom était déjà pris? Mais non, mais en fait, je pense, mais je suis d'accord avec toi, hein, moi aussi, ça me blesse profondément. Bah, Anou Night Show quand même. Mais en fait, si c'était appelé, par exemple, comment on dit nuit, la nuit en italien? Bah, je note. Bah voilà. Note. Si c'était appelé Hanouno, il se serait appelé Hanounote. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Hanounight Show. Je comprends le jeu de mots. Il y a pas de souci. Mais en même temps, bah maintenant il y a doublon quoi. Ouais, et j'aime pas. La dernière personne qui avait fait ça, c'était Laï sur RMC. Regarde ce que c'est devenu. Ouais, enfin d'accord, mais on n'est pas sur le même level. Ah bah certainement pas. Enfin, mais j'aime après, beaucoup c'est de la télé, donc. Moi, tu sais quoi? Moi, j'ai plutôt envie de prendre ça comme un hommage. Ouais. En vrai. Tu crois? Ouais. Je pense qu'il écoute l'émission. Il a dû se dire, ces petites meufs, elles ont plein de potentiel. Comme je peux pas m'appeler Marion et Anso parce que ce sera pas crédible, je vais m'appeler Hanou Night Show. Ouais, je pense qu'il kiffe. Bah, ouais, c'est sûr. Bah, moi, ça m'a gonflé. J'adore Hanouna, mais là, ça me saoule. J'aimais bien avoir l'exclusivité du Night Show. Et maintenant, eh ben, y a quand même le gars le plus puissant du PAF qui s'appelle Hanou Night Show. Est-ce qu'on n'est pas dans le partage, Marion? Non. On partage, voilà. Mais moi, tu me connais. Oui, je partage rien, moi. Bon, bah, c'était mon coup de gueule du soir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bitcher dans l'équipe? Ouais, moi, je veux bitcher contre les prix des trains. Voilà, les prix des trains, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert hier la billetterie pour Noël. Donc comme moi, en fait je suis pas parisienne, moi je viens de Nantes. Donc je veux prendre mes billets de train, ça te coûte un œil et demi juste pour aller passer Noël en famille alors que les temps sont difficiles. Bon, j'avoue que les prix sont super chers en ce moment. Comment ça? Bah avec là ça a démarré, c'est super cher. Oui. Bah oui, je sais, mais c'est exprès pour Noël, ils ont fait un truc. Bah c'est parce qu'en fait pour Noël ils mettent les prix les plus bas, donc du coup ça part très très vite. Oui, c'est et ça. Du coup quand tu veux partir le 24 décembre et que tu veux arriver à 18h, ça te coûte vite 50 balles l'aller quoi. Mais parce que c'est une différence de combien entre par exemple janvier et si je prends un billet en mars par exemple, si je le prends le 31 décembre. Ah bah rien à voir. Ah rien, non, à rien à voir. T'as 60 balles de plus. Mais oui. Ouais, mais en même temps, ils ont raison. C'est-à-dire que, enfin, je peux pas leur en vouloir. C'est normal. Mais hein. Du coup, c'est la période de Noël, déjà, c'est compliqué. T'as envie d'aller voir tes proches. T'es loin de tes proches, d'ailleurs, habituellement. T'en as gros sur la patate. Et en plus, il faut que tu racks 50 balles. Bah, ouais, et normal. En plus, j'ai voulu le faire et ma carte est pas passée, putain. Voilà, tu veux que je te dise. Bon, ça, c'est peut-être parce que je suis un petit peu trop tôt à découvert. Hein? Et si vous aussi là vous en avez gros sur la patate comme dirait Anso, appelez-nous 01 42 48 5000. Vous pouvez bitcher sur ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ouais, et bah Théo a justement 14 ans, ça n'a aucun rapport cette phrase. Et il appelle d'Orléans. Bonsoir Théo. Bonsoir Marion Anso, salut toute l'équipe. Ça va Théo? Bienvenue mon pote. Ouais, je suis super content d'être les derniers jours. Et bah nous aussi, ouais. Hyper content. Un peu moins rapide peut-être. Il est stressé. Bienvenue. Alors dis-nous, sur quoi tu veux bitcher toi? Alors, surtout, bah déjà le rhume que j'ai là tout de suite. D'accord. Et surtout, ce qui me vénère le plus, c'est quand je regarde un film en streaming et qu'il s'arrête en plein milieu, ça me saoule. Tu regardes ça légalement, bien sûr. Genre sur Netflix, tout ça? D'accord. Et ben, je suis d'accord avec toi. Le côté les streaming qui se coupent, ça me gonfle. Moi aussi. Ouais, c'est ta connexion, c'est de la merde. Ou alors, c'est parce que c'est pas légal ce que tu fais. Oui, surtout parce que c'est pas légal. Bah oui, parce que souvent ça bloque à 90 minutes. Ouais. Ou 60. Ouais, c'est ça. Bah il faut que t'achètes les films, hein. Ça y est. Ouais, mais bah, sinon tu les regardes et puis quand ça coupe, tu nous appelles, on te raconte la fin. Ouais, mais en vrai maintenant. Un film, ça coûte combien? 4€ si tu veux l'acheter en VOD. Ah, en VOD, en SD. En VOD, en SD, parce que moi je les achète tous, tu sais que je fais pas de téléchargement illégal, ça coûte quand même bien 9-10 balles. Hein. Mais t'es ouf, moi j'ai la Freebox et j'achète des films souvent et ça me coûte 5,90€. Ah oui, mais moi je suis trop conne, moi je les achète sur iTunes. Ah, Anso, elle se fait avoir sur tous les dos. Ah, excusez-moi de faire marché business, hein, de faire marché économie française, pardon. Américaine, là, putain. En tout cas, Théo, on a entendu ton coup de gueule, tu as raison. Ouais. Mais c'est surtout, moi en fait, je suis un gros bougeur de films. Tous les jours, je regarde au moins 3 films. D'accord, et ben. tu vas à l'école, toi? Oui. Ouais. Oui. Et ben, il a le temps le soir après les cours, quoi. Ouais. D'accord. Bon, j'aime les classiques, j'aime bien les nouveautés, je regarde tout, moi. D'accord, mon Théo, et ben, fais-toi plaisir. On t'embrasse, du coup, Théo le cinéphile. Je fais ce que je veux. Merci. Non, mais. Bisous Bichon. Bisous Théo. Salut, à bientôt. C'est très, très sympathique ce Théo. Je l'adore. Moi aussi je l'aime bien, big up. Mais je suis la seule à acheter des trucs sur iTunes? Non, bah moi j'achète sur Freebox, j'achète tous mes films, par exemple. Ou alors j'ai Netflix, sinon. Et plus personne n'achète de DVD, on est d'accord? Et jamais, mais déjà le DVD c'est fini, maintenant c'est le Blu-ray. Ok, bah ok, monsieur technologiste. Pardon de ne pas connaître tout sur le bout des doigts. Moi j'ai un coup de gueule, j'ai le temps ou pas? Pas trop, non. Non. Mais speed. Bon, bah je le ferai la semaine prochaine. Non, vas-y. J'ai un coup de gueule contre les gens qui parlent derrière le dos des gens. Ah, oui. Et ça, en fait, bah, c'est un truc qui m'insupporte. Parce que les gens se disent avoir des couilles, mais ils ont jamais les couilles de venir te voir ou t'appeler ou te faire un SMS pour dire qu'un truc ne va pas. Tu parles de qui en particulier? En général. Oh, mais non, vaut des noms. Mais non, oui. J'ai pas donné des noms, ce serait ridicule, ça serait leur faire de la pub et ils méritent pas. Mais du coup, je déteste les gens comme ça. Et en fait, j'aimerais bien que ces gens-là m'appellent ou quand c'est moi ou si c'est d'autres, bah d'autres. Et qu'ils le disent en face, tu vois. D'accord. Bah écoute, on t'a entendu, je vais t'appeler dans 5 minutes. Ah, mais vous, ça vous dit pas ça, vous, les filles? Si, tu sais, c'est la vie, hein. Oh, oui. Okay. Si tu veux que je te dise, hein. L'hypocrisie fait partie de la vie, oui. Mais oui. Bah en fait, quand il parle dans ton dos, t'as qu'à juste lui tapoter et il va en face de toi. Ferme ta gueule. Bon, allez, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va parler de Fionfion avec Lucie. Alors, Lucie, il lui est arrivé un truc puisqu'elle est tombée sur l'historique d'ordinateur de son mec. Oh non. Et elle a trouvé des trucs un peu porno, un peu chelou, quoi. Mm-hmm. On va parler de ça avec elle dans un instant, juste après le tout nouveau Tovlo. C'est Cool Girl sur Fun Radio, on adore ça. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a but you still wanna keep on. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. Tovlo sur Fun Radio, c'est Marion Enzo, j'aime beaucoup ce dos. Hein. Ah oui, moi aussi. Nouveauté, on kiffe. Merci Tovlo de nous faire des frissons comme ça. Merci Tovlo d'être toi. Et là, on va parler cul ensemble, 01 42 48 5000. On a un gros dossier ce soir. Alors, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Lucie, elle habite à Nanterre. Bonsoir Lulu. Salut Marion Enzo, salut toute l'équipe. Ça va Lucie ? Au top et vous ? Bah très bien, alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé avec l'historique de ton chéri ? Du coup, je suis tombée sur son historique d'ordinateur par hasard. Et en fait, il a regardé des vidéos porno, mais sur des thèmes assez chelous. Genre ? Genre avec des femmes enceintes, des personnes de petite taille. D'accord. Genre des acteurs qui faisaient l'amour avec des femmes enceintes, tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Ça me refroidit grave, quoi. Bah ouais, je comprends. C'est très bizarre ça, les garçons avec qui vous avez déjà maté du porno avec des femmes enceintes ? Non. Je suis déjà tombé dessus une fois. Ouais, mais tu cherches pas volontairement. C'est glauque de chercher ça. Je suis sur Google. Ah non. Non, c'est dégueulasse. Je suis tombé dessus par curiosité. Et je trouve ça, mais d'une horreur. Absolument. Mais oui, moi non plus, je comprends pas. Je suis tombé dessus par curiosité, non, mec. Tu sais quoi, le pire pour moi, c'est les femmes enceintes qui font ça, quoi. Bah après, elles ont le droit, pourquoi elles pourraient pas ? Arrête, respecte ton enfant, tu fais pas du porno quand t'es enceinte. Après, c'est peut-être. Je suis d'accord avec toi, Marion, attention, mais c'était peut-être avec leur mec, tu vois, je sais pas, enfin. Ouais. Bah peut-être, oui, Thibaut. Non, mais du coup, moi je pense que si on regarde du porno comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si on va dans ce sens-là, c'est qu'il y a un vrai problème. De couple, quelque chose, quoi. Tu penses qu'en gros, lui, il est pas satisfait avec elle ? Bah oui, c'est sûr. Oh, vous rigolez, dès que je parle, c'est tu vois, il gueule, fait rire. Oui, sa petite tête. Bon, hé, chérie, tu sais quoi ? On va réfléchir à ça dans un instant. Bouge pas. Et vous, appelez-nous. J'aimerais vous poser la question. Quel est le truc le plus horrible que vous ayez pu voir sur un site de cul ? Moi, j'ai vu un truc immonde et je pense qu'il va parler à tout le monde. Je pense que le monde entier l'a vu. Moi aussi. 01 42 48 5000. On parle truc chelou sur les sites de cul dans un instant sur Fun Radio. Bougez pas. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Il y a Stéphane qui est à Curitiba. C'est au Brésil. Il veut qu'on appelle son mec ce matin, d'accord ? D'accord. Quand il va retrouver son chéri, il voudrait adopter un bébé à son retour en France. Veux-tu adopter un enfant avec moi ? Je suis sûr que tu seras le meilleur des papas. André, est-ce que tu as compris le message ? Oui, je m'attendais pas du tout à ça, mais oui. Déjà, faut que ce soit une envie commune. Oui, oui, l'envie est là. Bon, et si l'envie est là, c'est l'essentiel. On va prendre un chat d'abord. Qui a dit ça ? Il a dit quoi ? Il a dit on va prendre un chat d'abord. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Et on était en train de parler des trucs un peu dégueux, choquants que vous avez pu voir sur des sites porno. Peut-être que vous êtes tombé comme ça malencontreusement sur quelque chose sans rechercher et ça vous a choqué. 01 42 48 5000. On était avec Lucie, je crois. Lucie, oui. Elle nous a appelé parce que son mec, lui, en gros, elle a trouvé dans son historique homme faisant l'amour à des femmes enceintes, à des femmes de petite taille, tout ça. Bon, tu sais quoi ? Moi, j'ai réfléchi en fait, et je pense que c'est pour la vanne. Tous les garçons, j'ai sondé le studio, ont déjà tapé des trucs chelous pour se marrer. Oui. Donc c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est pas forcément qu'il a des tendances bizarres. Et c'est peut-être juste que la curiosité, quoi. Puis en plus, tu sais, Lucie, il y a un truc très simple, c'est que tu peux effacer l'historique tellement facilement. Ouais. Que quand t'as vraiment un truc à te reprocher, je pense que tu l'effaces vraiment directement. Ouais. Tu vois. Ouais, panique pas sur ça, mais tu peux lui en parler. Tu peux lui dire, écoute, j'ai pas voulu fouiller, je suis tombée là-dessus. Voilà, je t'en veux pas, y a pas de galère, mais rassure-moi, c'est pas un kiff pour toi, c'était un délire, tu vois. Et tu vas voir comment il réagit, s'il panique, s'il rigole, mais à mon avis, y a rien de grave. Ouais, espérer qu'il y aura pas de malaise, quoi. Non, je pense pas. Parle-lui en détente, en rigolant, tu vois. Okay. Par contre, je veux bien que tu nous tiennes au courant, ça m'intéresse de savoir sa réaction. Ouais, moi aussi. Carrément. S'il panique, s'il balbutie. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Tu nous raconteras? Ah, carrément, avec plaisir. Bon, et eh ben merci Bichette d'être passée sur Fun. Avec plaisir, gros bisous à tout le monde. Bisous, ma belle. Et du coup, on vous posait la question, là, le truc le plus horrible hardcore que vous avez pu mater sur du porno. Alors attention, on n'incite pas les jeunes, surtout qui nous écoutent, à aller voir. Si on vous en parle, c'est justement, c'est choquant. Donc n'y allez pas, faites pas les cons, parce que vraiment, moi, il y a des trucs qui m'ont traumatisé. Je vais vous raconter le mien. C'est la fistinière, vous connaissez? Ah oui, bah évidemment. Tout le monde connaît. En gros, La fistinière, c'est une sorte de chalet, une maison. C'est une maison d'hôtes. Une maison d'hôtes où les gens se rencontrent, hein, majoritairement des hommes, je crois, pour se fister. Alors, qu'est-ce que le fist ? C'est une pratique qui consiste à mettre son poing dans les fesses ou dans le vagin d'une personne. Ouais. Voilà. C'est terrible et franchement, ça m'a choqué. Oui, Enzo ? Vous connaissez le slogan de la fistinière ? Bah non, heureusement, c'est quoi ? Viser la lune. Viser la lune. Ça me fait mal. Oui. Toujours c'est le point levé, effectivement. Ouais. Non, mais c'était horrible. Parce que moi, on m'en parlait, on me disait c'est drôle et tout. Je suis allée voir, mais je m'attendais pas à ça. Horrible, glauque. Et franchement, après, je respecte les gens qui pratiquent, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement loin de mon délire que non, j'ai pas pu. Ouais, c'est un peu spé. Anso, toi, le truc qui t'a le plus choqué ? Ah, moi, c'était une vidéo qui tournait il y a quelques années. En fait, le but, c'était de regarder cette vidéo et de se filmer en train de regarder cette vidéo. Ah oui. Et c'était, je crois, il y a 8 ans, quoi. Ça s'appelle Two Girls, One Cup. Oh. Et c'est deux nanas qui, en fait, sont complètement scato. Qui font caca hein, globalement dans la bouche de l'autre, qui se lèchent et tout. C'est immonde, c'est-à-dire que tu peux pas regarder cette vidéo sans avoir des haut-le-cœur. Mais surtout elle kiffe, c'est ça qui est le plus choquant, c'est-à-dire que tu les vois, elles ont aucune galère à faire ça et nous on avait vu toutes les vidéos des gens qui s'étaient filmés, ils vomissaient, ils supportaient pas de regarder ça quoi. Bah après ça ressemble étonnamment à tu te demandes si c'est pas fake quand même parce que tu sais ça ressemble un peu de la mousse au chocolat, c'est quand même très c'est bien fait hein, si c'est fake. Ouais, c'est bien fait. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça. Hein. On sait qu'il y a des pratiques sexuelles cheloues. Oui. Mais ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, qui m'a vraiment dégoûté. Je comprends. On a Kevin de Lens avec nous. Bonsoir, Kevin. Bah, salut l'équipe, salut Marlon, salut Anso. Bah, salut. Ça va, Kéké ? Bah, ça va très bien, et vous ? Bah, très bien. Alors, t'es tombé sur quoi, toi, qui t'a choqué ? Ah, moi, je suis tombé sur une petite vidéo assez sympa où, genre, c'est une nana qui est en train de se doigter. Mmh. Et en fait après elle a voulu prendre un briquet et péter genre devant la flamme pour faire une flamme. Et sauf qu'en fait tout son petit minou en fait il s'est enflammé parce que c'était poilu. Enfin... Et du coup il s'est enflammé. Oh non la pauvre mais elle a pas été brûlée. Ah je sais pas mais c'est vrai après la vidéo elle s'est coupée mais non mais surtout quelle femme chelou, la meuf elle est là elle monte son trou de balle pour péter derrière une flamme. Ouais. Déjà ouais franchement déjà l'action est bizarre. Attends. Ouais c'était dégueulasse en plus son petit trou il était sale là. C'était mais juste Kéké, t'as tapé quoi pour tomber là-dessus? Franchement je regardais des vidéos comme ça et après je sais pas si j'ai vu j'ai même plus c'était quoi le titre de la vidéo. J'ai vu un truc hardcore plus 18 j'ai regardé et genre je tombais là-dessus mais c'est horrible. Ah, mais moi ça me ferait paniquer pour elle. La pauvre, elle a dû se faire hyper mal. Quelle idée de faire ça, franchement. Ah oui, elle a dû bien se brûler. Horrible. Non, pour elle. Hein. Eh ben écoute, merci Kéké de nous avoir raconté ça. Y a pas de problème, l'équipe. Y a pas de souci. On t'embrasse. Ouais, bah moi aussi. Bisous, bonne soirée. Bisous. Les garçons, vous n'allez pas y couper. Qui a envie de raconter le truc le plus horrible qu'il a pu voir comme ça sur un site de cul ? Ah, moi j'en ai une si vous voulez. Vas-y Thibaut. En gros, c'était une nana. Donc moi j'ai vu une meuf qui. Elle était. Oh, attends. Je reprends, elle a pris un pot de cornichon. Ouais. Ok. Elle se le met dans son minou. Ouais. Et d'un coup, le pot de cornichon explose. Oh et du non. coup, il y a des bouts de verre à l'intérieur de ça. Oh, c'est dégueu. Mais attends, mais elles ont fini aux urgences, ces nanas, c'est pas possible. Ouais. Mais le pot de cornichon, enfin, c'est vrai qu'il y avait des cornichons. Ouais, il y avait des cornichons, mais j'espère qu'ils ont pas mangé. Attendez, juste ne faites jamais ça, c'est hyper dangereux. Si le verre explose, mais c'est dramatique, vous pouvez mourir d'une hémorragie. Hein. Mais surtout, le cornichon, il y a du vinaigre, ça fait piquer de ouf, quoi. C'est pas bon, le cornichon, en plus. Hein. Oui, bah, c'est le dernier de ses problèmes, je pense, Amir. Il est bête, lui. Ah non, mais ça, c'est terrible. Et alors, excuse-moi, mais comment t'es tombé là-dessus ? C'est un pote qui a montré cette vidéo. D'accord, comme par hasard, toujours le fameux pote. Mais nous, on avait regardé sur des vidéos à pas regarder, Marion, on avait vu un mec se mettre un verre dans la nuque. Un verre dans la nuque. Je comprends pas, hein, franchement. Aussi, ça me dépasse, c'est dangereux, y a aucun plaisir là-dedans. Sans déconner, autant je peux être très ouverte et comprendre plein de pratiques, mais non, le pot de cornichon, non, c'est pas kiffant. Bah, globalement, à part un sextoy et une verge, voilà. je vois pas bien l'idée. Ouais. Amir, raconte, est-ce que t'as vu un truc un peu choquant ? Ouais, j'ai vu un truc vraiment dégueulasse. C'est un pote qui me l'a montré. Ouais. Il bossait avec nous il y a pas super longtemps. Et c'est une meuf, en fait. Il y a un mec qui enfonce son pied dans son vagin. Là. Ah oui, oh, je m'en souviens. Non, mais c'est pas possible. Le pied entier, hein, je me rappelle. Le pied entier, et il faisait une photo, un petit selfie, il était hyper content. Et son pied entier, mais genre au-dessus de la cheville, enfoncé complètement dans le sexe de. Non, mais attends, Amir. Non, mais pas au-dessus de la cheville non plus. Allez, il mettait jusqu'à la cuisse. Bah non. Non, mais si, c'est non, ça. Elle était. Elle était très détendue, cette jeune fille. Non, mais du coup, je. Bah toi, je respecte vraiment les pratiques là, mais ça tu vois, je comprends pas. Moi non plus. Absolument pas. Moi non plus, je comprends pas. Il y a Ludovic qui est avec nous de Grasse. Bonsoir Ludo. Bonsoir les filles, bonsoir à toute l'équipe de Bonsoir Fifo. Ludo. Yeah. Ça va? Ça va et vous? Oui, raconte alors, est-ce que t'as vu un truc choquant toi? Ah ouais, bah bizarrement, dans le délire, j'avais tapé porno et coca. Je sais pas pourquoi, mais porno et coca. Et je suis tombé sur une nana qui, on voit, commence à s'enfiler des mentos dans la chatte. Oh non. Je sais pas pourquoi elle voulait faire ce délire de fou. Et après, entonnoir, et elle se met du coca. mode assez cru en Islande, mode geyser. Et là, elle nous a fait la fjord, geyser de partout. Ça rend dégueulasse la vidéo. Il y avait du coca de partout, c'était mode geyser. Pire qu'une femme fontaine. Mais c'est hyper dangereux parce que ça a fait un jet de malade, hein, cette histoire de mentos. Hein. Ah ouais, et pour là, pour le coup, bah, même si elle était femme fontaine, je crois qu'elle a jamais fait un geyser aussi puissant. Oh, quelle horreur. Mais elles ont de ces idées, ces filles, elles sont quand même bien aventurières. Hein. Ah ouais. Écoute, franchement, moi, j'oserais jamais. Hein. Bah, moi non plus, évidemment. Enfin, le ça faites tout pas. Sens. Pitié, le faites pas, faites attention. Et vous dites pas que ça va faire de la vue sur YouTube et tout. Non, sans déconner, vous allez juste être ridicule. Tu peux pas mettre ça sur YouTube. Hein. Oui, bah, sur les sites de cul, quoi. Ouais. Ouais. Qui d'autre? Yannick, Enzo, est-ce que vous avez vu des trucs un peu. Oh bah, attends, Yannick, lui, il les a fait, lui. Raconte. Moi, j'ai vu un mec pisser dans la bouche. Oui, bah, toi, quoi. Bah, toi, quoi. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Enzo, t'as déjà vu un truc, toi? Non, moi, je suis pas trop sur des catégories comme ça. D'accord, il y a sa meuf derrière. Et si ta meuf était pas là, est-ce que tu nous aurais dit vraiment des trucs? Ah oui, là, j'aurais tout déballé. Mais t'as raison. Après, voilà, je peux comprendre qu'entre potes, parfois, il y a des vidéos comme ça qui vous fassent marrer, ouais. Mais. Sérieusement, faut être grave. Ouais, faut être gras. Faut être, ouais. Hein? Et alors, Adrien Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, toi, je suis sûre que t'as déjà vu une vidéo improbable comme ça de cul. Alors, moi, j'ai vu le délire avec le pied, la vidéo. Ouais, ouais. Ah, bah, on était tous là, tous ensemble. Hein. Qui a vu Amir, mais moi, j'en ai vu plusieurs quand même. Hein. Genre. Donc, mais genre des trucs. C'était une meuf ou un mec, toi, avec. Qui se faisait mettre un pied dans les fesses. C'était une meuf. Ouais, c'était une meuf, moi. Ah ben là c'était un mec. Ah. Ah bon. Et mais attends mais. Ouais c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais c'était sa meuf qui mettait son yep dans le cul du mec en fait. On dirait qu'Adrien va se mettre à pleurer en parlant. Et non mais j'avais hyper mal pour lui. Et lui il kiffait de fou. Et genre le pire dans ces vidéos là je crois que c'est ce que dit le mec. C'est quoi? Mais du genre. non je peux pas. Ah mais si. Non mais du genre hardcore. Je sais plus ce qu'il disait mais en mode vas-y enfonce-le moi encore. Ouais. Je vais jouir. Encore machin. Plus loin. Et le délire aussi d'un mec qui s'était assis. Je sais pas si vous en avez parlé sur un bocal. Oui bah en oui, verre ouais. Et qui a éclaté. Ça. Ouais on a parlé de cornichons, on a parlé de tout d'accord, ça. D'accord. Donc en fait la tendance c'est les verres et les pieds quoi. Et les bocaux. Hein, les bocaux. Le mec qui s'est fait fister il a dû prendre son pied non? Oh. Ta gueule. Ferme là. Il fatigue. Bon. Oh là. J'en peux plus de toi, je te le dis. J'essaye des choses, je tente. Bon, en tout cas, Adrien Thomas vous accompagne là jusqu'à 1h du mat pour Party Fun. Nous, on sera de retour dimanche soir en direct à partir de 22h. Lundi, on aura de l'invité. C'est Dylan Del Rey, le youtubeur qui va passer nous voir. Ça va être cool, ça. Grave. Et puis demain matin, Bruno dans la radio va vous réveiller à partir de 6h. Et nous, on va chanter avant de se quitter. Rapapa. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. Merci beaucoup. The biggest club in France. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio Minuit 2. On est en direct et je crois que vous avez oublié un petit truc, les filles. Oui, on a oublié de souhaiter un bon anniversaire à notre directeur artistique junior, Alex, les gars. Voilà, donc en fait, si vous étiez là en début d'émission, c'est à lui que j'ai niqué toute la surprise en fait. Hein. Est-ce que t'es content quand même? Trop content, merci beaucoup. Oh, t'es un beurre, il est mignon, il a 23 ans ce soir. Et bon, c'est un amour, il travaille bien. En plus, c'est lui qui fait toutes les vidéos que vous voyez là sur YouTube, tout ça quoi. C'est quoi cette musique derrière? Mais oui, c'est quoi ce bed? J'ai trouvé que ça. Ah bon? C'est pas mal, c'est pas mal. Excuse-moi, Adrien Thomas, c'est un bon DJ, mais pas de, d'anniversaire. Alors là, tu te trompes, hein. J'en ai fait plusieurs. Tiens, regarde, ça part. Ah oui, non, c'était toi qui avais. Chelou. Tiens, tu... pour ton anniversaire, je te fais un petit cadeau. Tu veux écouter quoi comme titre? Je sais pas. Calvin Harris. Ah bah ça tombe bien parce que j'avais pas prévu de. Mais fasse-nous ce que tu veux, mon chat. Non mais interviens un peu un autre truc. Qu'est-ce que t'as prévu? Ben non, c'est Calvin Harris, ça me bat. Tu sais quoi? My Way. Ah vas-y, ouais, My Way. My Way. T'as pas l'air trop non. Finalement. C'est pas trop chiant, toi. Il est timide, il est marrant. Non, alors ce soir, avant Calvin Harris, avant de faire plaisir à Alex, je vais arrêter cette merde. On va tout de suite annoncer une nouveauté, le nouveau CIB. Je viens de le recevoir là à l'instant. Il est génial, il s'appelle What Do You Love. Et je vais appuyer play, puis je vais le laisser, on va kiffer tous ensemble. Ah bah, ouais. Allez, ça marche, Adrien. Allez, bon week-end. Hein, Alex voulait justement écouter CIB. Et ben voilà. Ouais. C'est pour bien. Toi, cadeau. Bisous. What do you love? Work two jobs trying to stay alive. You spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love? Just stand for something. I fall for anything. Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it will be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it will be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it will be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it will be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? What do you love? On est sur Fun Radio, vous me dites si vous aimez ce nouveau morceau de CIB, il s'appelle What Do You Love, hashtag Party Fun, ou alors sur Snapchat pour taper la discute avec moi. Si vous êtes connecté ce soir, mon pseudo c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. Vous me dites si vous avez aimé ce nouveau morceau. Voilà, c'était un morceau que je voulais vous faire découvrir ce soir. Dans un instant, Bob Sinclair. Il y a aussi Orlinski, Eva Simons avant 1h du mat. Et puis tout de suite, on se fait le son qui est actuellement numéro 1 des ventes dance sur iTunes. C'est un vrai carton pour ce morceau, Sound of Legend, avec Blue, version spéciale Party Fun. Jusqu'à 1h, c'est Adrien Thomas. On est en direct sur Fun Radio. Bon jeudi soir tout le monde.